Bonsoir chez vous. Bienvenue dans la Red Arc du Sport sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 20h34. Ravi de vous retrouver en ce lundi 12 mai. On est ensemble jusqu'à 22h30. Très heureux de vous retrouver. Si vous nous rejoignez, eh bien, bienvenue à vous. On est ensemble pendant 2 heures donc, avec plein de choses encore ce soir. Bon courage si vous avez repris peut-être le travail aujourd'hui, si vous étiez en vacances, bon courage. Et puis si vous êtes en ce moment au travail, bon courage à vous. Si vous nous écoutez peut-être en voiture, prudence à vous. En tous les cas, vous allez passer 2 heures avec nous pour plein d'actualités sportives, encore plein de choses ce soir. On va bien sûr revenir sur cette avant-dernière journée de Ligue 1. Beaucoup d'enseignements avec les qualifications directes pour la Ligue des Champions, pour l'Olympique de Marseille, pour l'AS Monaco. Et puis derrière, tout est encore très serré pour cette dernière place barragiste pour la Ligue des Champions, la 4e place, on va y revenir, la Ligue Europa aussi. Lyon qui a perdu gros. Et puis le maintien aussi, encore pas mal d'enjeux pour cette dernière journée. On en parlera tout à l'heure avec Hugo qui nous retrouvera à 21h. Notre Tour d'Europe évidemment, avec encore un enjeu en Italie pour l'Inter et bien entendu Naples, avec encore une petite avance pour Naples qui a perdu quand même 2 points, on en reparlera hier soir. Donc ce point, et puis bien sûr aussi ce qui s'est passé en Angleterre, en Allemagne ou encore en Espagne avec le Classico. Bien sûr, on reviendra longuement sur ce match tout à l'heure. Et évidemment avec presque cette balle de match maintenant remportée par le Barça avec cette victoire 4-3. Voilà pour le foot, et puis bien sûr la qualification pour la finale de Ligue des Champions du PSG, on y reviendra longuement aussi tout à l'heure. Voilà pour le football. Du rugby, on approche tranquillement de la fin de la saison régulière en top 14, puisqu'il reste désormais 3 journées à se dérouler. On va revenir sur cette dernière qui s'est tenue samedi et hier. Bien sûr, c'est la 23e journée. On verra bien entendu ce qui s'est passé sur cette journée. On aura aussi ce soir du tennis, le Master 1000 de Rome cette semaine. Le retour à la compétition de Yannick Sinner qui s'est imposé d'ailleurs aujourd'hui pour les 8e de finale. On va revenir sur ce point. Et puis bien sûr, Arthur Fils aussi qui a fait un gros match. Enfin, Saint-Etienne qui est qualifié aussi pour la suite de la compétition. On en reparle tout à l'heure. Du basket, défaite pour l'OLB sans conséquence puisque la première place n'était plus possible. Néanmoins, défaite d'un point. C'était face à Boulazac qui devient le nouveau leader de cette Pro B à une journée de la fin. On va revenir bien sûr longuement sur ça tout à l'heure, sur cette Pro B bien sûr, et puis ce qui s'est passé aussi en NBA avec la suite des playoffs. On en parle tout à l'heure, bien entendu, juste après bien sûr la page Formule 1, page MotoGP, cette victoire de Johann Zarco, évidemment grosse victoire, énorme victoire, l'exploit pour Johann Zarco, vainqueur de ce Grand Prix de France hier. On en parle aussi dans un instant. Et puis du handball aussi, voilà, plein de choses encore ce soir, je vous le disais, au programme de cette soirée. Et puis pour eh bien suivre tout ça, des fils rouges de football, l'Italie ce soir au programme, seulement un match entre l'Atalanta Bergame 3e et la Roma 6e, gros enjeu dans cette rencontre. La Roma qui est sur une série incroyable pour l'instant, qui pourrait, en cas de succès, ça y est, atteindre et bien les places qualificatives pour la Ligue des Champions. C'est vraiment tout l'enjeu de ce soir. Pour Bergame, il s'agira de garder son avance pour l'instant, 4 points d'avance sur la 5e place de la Lazio et 5 sur la Roma. Donc l'enjeu, il est là ce soir. 20h45, coup d'envoi. Et puis un petit peu plus tôt, Venise s'est imposé sur sa pelouse, face à la Fiorentina. Pas d'enjeu pour la Fiorentina, en revanche de l'enjeu pour Venise qui se donne un petit peu d'air. On va y revenir tout à l'heure au classement. Voilà le point ce soir, les directs, le direct qu'on suivra, donc Bergame à Roma dans un petit peu plus de 5 minutes. Et puis pour nous écouter, je vous le rappelle, 96.2 FM ou le site radio-arc-en-ciel.com pour nous joindre, 02 38 434 800 au standard. N'hésitez pas à réagir sur tout ce qu'on va évoqué ce soir. Voilà ce qui vous attend ce soir. Je vous le disais, beaucoup de choses encore au programme de cette nouvelle émission, 22h30. Et puis Hugo bien sûr qui nous retrouve donc dans un petit peu moins d'une demi-heure pour la page football. Voilà, on va démarrer tout de suite cette émission avec bien sûr comme chaque semaine eh bien, la Formule 1 et la MotoGP, ça démarre tout de suite. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Pour démarrer cette émission, donc, je le disais à l'instant, l'exploit hier de Johann Zarco qui a remporté le Grand Prix de France, le Grand Prix MotoGP en France sur le circuit du Mans. Exploit, bien sûr, avec depuis plus de 70 ans, pas de victoire en MotoGP d'un Français. C'était vraiment un exploit retentissant. Alors, c'est vrai qu'on avait eu Fabio Quartararo il y a quelques années maintenant, 2 ans, 3 ans, qui avait remporté le titre. Mais en France, au Mans, c'était évidemment attendu depuis de nombreuses années. Et c'est donc le Français qui s'est imposé à la maison. Qui s'impose avec presque plus de 20 secondes quasiment d'avance sur Marc Marquez l'Espagnol et sur Fermín Aldeguer l'autre Espagnol, le troisième. Grosse course donc du Français qui s'est imposé et qui a fait le bonheur évidemment des spectateurs sur cette course. C'est l'Espagnol en revanche Marquez qui fait quand même une belle opération au-delà de cette deuxième place. Évidemment puisque derrière ça n'a pas fonctionné hein, pour ses poursuivants, Alex Marquez, Fabio Quartararo aussi qui a dû abandonner après une chute, Francesco Bagnaia seulement dernier classé 16e, donc c'est vraiment au-delà de cet évidemment exploit de Johann Zarco, une très très belle opération comptable pour Marc Marquez hein, qui prend les commandes de ce classement avec désormais 20 points d'avance, un petit peu plus de 20 points d'avance sur Alex Marquez. Et maintenant plus de 50 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Donc voilà, c'est vraiment un gros point qui a été fait par Marc Marquez sur ce Grand Prix. Johann Zarco est 6e ce lundi au classement devant Fabio Quartararo d'ailleurs. Donc voilà, en tous les cas, très très belle victoire que l'on attendait depuis très longtemps. Et devant les parents de Johann Zarco qui assistait en tout cas pour sa maman pour la première fois à une course de son fils, donc ça a été la bonne pour sa maman qui a pu voir son fils s'imposer donc sur ce circuit du Mans. Grosse émotion donc évidemment à ce Grand Prix. La suite de cette saison bien sûr qui va nous attendre après ce Grand Prix de France, direction la Grande-Bretagne. Ce sera pas ce dimanche mais le suivant, le 25 mai. On va rester en Europe pas mal de temps puisqu'on aura l'Espagne, ensuite l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne. On va rester un petit moment sur le continent européen avant d'aller du côté du continent asiatique pour pas mal aussi de Grand Prix un petit peu plus tard dans la saison. En tous les cas, pour l'instant Marc Marquez donc solide leader qui a fait la très belle opération comptable du week-end, bien sûr, qui est passé un petit peu plus inaperçu puisqu'on a eu cette évidemment très belle victoire du Français. En Formule 1, la suite de la saison, on rappelle que pour le moment, au classement général de cette saison, c'est Oscar Piastri qui est en tête devant Norris et Verstappen un petit peu derrière. Ce sera le Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie. Ce sera dimanche donc pour ce prochain Grand Prix, le 7e Grand Prix de la saison. Donc nous emmènera en Italie pour le retour après une trêve ce dimanche. Donc rendez-vous dimanche et puis samedi bien sûr comme d'habitude pour les qualifs de cette étape. Et puis en ce qui concerne le championnat du monde des rallyes, Portugal au programme du week-end donc à partir du jeudi jusqu'à dimanche. Voilà ce qui nous attend pour la 5e étape de la saison qui pour l'instant cette saison est dominée par Phil Evans le Britannique. Voilà donc pour ce point en rallye. On referme cette page, on va du côté du handball désormais puisque là bien sûr on attend maintenant la fin de la saison tranquillement pour aller chercher les playoffs désormais. Alors on le sait, il y avait encore une journée ce week-end. Pour Saran, ça a été une victoire la fois dernière, hein, c'était face à Cherbourg. On attend la prochaine journée. Alors il y avait une trêve hein, cette semaine puisque c'était la place à l'équipe de France qui d'ailleurs s'est imposée dans le HF Cup l'Eurocup pardon, qui a remporté l'Eurocup après deux victoires. Première face à la Norvège, c'était hier. Il y a déjà eu une première victoire qui a été un petit peu plus tôt dans le week-end, qui a permis à cette équipe de France de s'imposer face à la Suède, donc, et de s'imposer dans le tournoi. Victoire 33-32, qui a assuré donc le titre, et puis qui a ensuite assuré hier le sans faute, le grand chelem, avec une nouvelle victoire là aussi d'un point, d'un but, ce 35-34 face à la Norvège, pour clôturer cette étape d'Eurocup, donc dernier match de la saison pour cette équipe de France. Donc en tout cas, c'est plutôt encourageant, bien entendu, pour la suite de cette saison. Autre information, c'est que l'équipe de France a appris aujourd'hui qu'elle serait tête de série pour le tirage au sort de l'Euro 2026, puisque ça y est, la fin des qualifications à l'Euro, c'était hier. Tirage au sort aura lieu le 15 mai, c'est jeudi déjà, hein. L'équipe de France, donc, pour rappeler, qui est tenante du titre, figure donc dans le chapeau 1. On rappelle que ce sera un rendez-vous du 15 janvier au 1er février avec trois pays, le Danemark, la Norvège et la Suède. Voilà, donc tout le monde est qualifié, enfin tous les qualifiés sont connus, c'est assez pour le coup assez stable par rapport au dernier Euro, puisque 22 des 24 nations qui étaient présentes l'an dernier, eh bien seront présents l'année prochaine, donc c'est plutôt stable par rapport aux pays qualifiés. Voilà donc en tous les cas la France qui sera tête de série. La France donc évitera le Danemark, la Suède et l'Allemagne, les pays organisateurs, donc ça c'est une très bonne nouvelle évidemment. On attendra ensuite le tirage pour savoir un petit peu dans quel groupe sont placés l'équipe de France. Donc la France jouera son tour préliminaire à Oslo, donc en Norvège, ou en Suède, en fonction du tirage au sort. Voilà donc en tous les cas ce qui est atteint au bleu. Eh bien pour ce tirage au sort qui aura lieu, je vous le rappelle, jeudi, si plus lundi, bien sûr, on en parlera plus longuement. Voilà pour donc le handball. Un dernier point handball avec la Star League, ce qui nous attend aussi pour la fin de saison, puisqu'il reste 4 journées. Pour l'instant, c'est toujours Paris qui domine, qui va reprendre la compétition aussi avec la journée qui aura lieu mercredi pour Montpellier, mais on n'aura pas de match pour les autres qui joueront la semaine prochaine. Hein. Uniquement Montpellier va jouer cette semaine, ce sera face à Dunkerque, mais pour les autres, ce sera la semaine prochaine. Voilà, et puis on aura aussi la suite de la Ligue des Champions, bien sûr, le tirage au sort qui a été effectué pour les Nantais, qui connaissent leur adversaire. Ce sera Berlin au programme de cette demi-finale pour le Final Four. Hein. C'est ce qui a été décidé à la suite du tirage au sort qui a été effectué. Ce sera de notre côté Barcelone-Magdebourg dans l'autre demi-finale. Et donc Berlin, on rappelle, avec sa star suédoise, danoise, Mathias Gidsel. Voilà, donc ce sera pas un cadeau évidemment, mais il faudra faire le match qu'il faut pour se qualifier. Et donc le Barça, tenant du titre, affrontera Magdebourg, on le rappelle, dans l'autre demi-finale, donc Final Four, donc de cette Ligue des Champions. On espère évidemment le mieux possible pour eux d'aller chercher ce titre, pourquoi pas. Ce sera difficile évidemment, mais il y a des motifs en tout cas d'espoir pour cette équipe de Nantes. Samedi 14 juin. Donc dans un mois maintenant, la demi-finale, et puis le 15 juin le lendemain pour la finale. Voilà ce qui attendent donc nos Nantais pour ce Final Four. Et puis chez les femmes, eh bien Metz connaît aussi son adversaire, ce sera Odense, l'adversaire de cette équipe de Metz, les danoises. Et puis dans l'autre demi-finale, ce sera Guior face à Esberg. Donc le 31 mai prochain, ce sera la demi-finale, et puis le lendemain, le 1er juin, la finale. Voilà ce qui attend donc nos Messines pour ce Final Four féminin. Et puis sur la première division féminine, Metz et Brest donc se rencontreront lors de cette 24e journée. Donc pour le titre, évidemment, Ce sera l'enjeu de leur rencontre qui arrive, puisque on rappelle que pour l'instant Metz est en tête de ce classement, mais Brest suit derrière, donc tout est encore possible pour elle. Voilà. Et puis enfin, bon, pour ça, hein, je le disais, hein, plus d'enjeux pour en tout cas pas de possibilité d'aller chercher la première place. Mais il restera une ultime journée de saison régulière. Saran se déplace à Célestat, qui est juste derrière, donc un point derrière. Et puis Frontignan sera deuxième, quoi qu'il arrive, de ce classement. Et puis Dijon se terminera en tête, donc de cette saison régulière. Et puis ensuite, bien sûr, on attaquera les playoffs. Donc essayer de rester troisième pour Saran, pour bien s'assurer un tirage un peu plus clément lors des playoffs. Voilà ce qui est l'enjeu de cette ultime journée, donc à Célestat samedi. Voilà pour le hand, pour être tout à fait complet sur ce qui nous attend sur ce dernier week-end en Pro League. Et puis pour le reste des compétitions, ça va arriver tranquillement avec on l'a dit, avec des champions, et puis la fin de la saison en Star League, où Paris promis bien sûr un nouveau titre. Voilà pour cette page handball. On va évoquer aussi, bien entendu, le basket, puisque on attend les playoffs aussi avec attention. En vous rappelant juste que dimanche aura lieu la finale de la Coupe de France de handball, hein, entre Montpellier et Paris. Ce sera dimanche à 17h pour peut-être un premier titre pour les Parisiens, à suivre en tout cas dimanche. Les playoffs arrivent en basket, je le disais, en Pro B notamment. Alors Orléans jouait un match sans enjeu, puisqu'il n'y avait plus de possibilité d'aller chercher la première place et donc la montée directe pour cette équipe de l'OLB. Normalement, c'était un gros match qui les attendait à domicile, à l'Arena, face à Boulazac. Eh bien, défaite 80-80, c'était samedi soir. Grosse ambiance, évidemment, encore une fois. Mais une nouvelle défaite d'un petit point. Ce qui permet à Boulazac bien de prendre seul les commandes de cette Pro B à une journée de la fin, puisque Blois vendredi soir a été battu surprise à l'extérieur à Pau-Orthez. Ils perdent tout simplement leur première place, cette équipe de Blois. Donc c'est Boulazac qui en profite pour l'instant pour prendre la première place. Orléans restera troisième, sauf si dans la dernière journée on aura un scénario qui favorable, mais ça sera compliqué en tout cas pour finir deuxième. Et la dernière journée, c'est mardi, donc demain à 20h, Orléans se déplace à Caen, qui est 14e. Blois de son côté, de son côté, Blois reçoit Saint-Chamond, et enfin Boulazac de son côté recevra Chartres. Chartres qui est dernier, hein. Pour Boulazac, c'est la voie est ouverte pour aller chercher le titre et la remontée. Pour les autres, il faudra patienter avec les playoffs qui vont arriver assez vite, les quarts de finale, hein, s'ils vont s'enchaîner relativement vite. Bien sûr, on refera le point. Ça va démarrer assez rapidement cette suite de saison avec les playoffs. Hein, bien sûr, on en reparlera. Mais il va falloir s'attendre à du gros et du lourd pour Orléans, bien sûr, pour ces playoffs, hein, avec, on l'espère, en ligne de mire, la remontée. Cette saison, on a en tout cas hâte d'y être. On verra, on suivra tout ça avec attention dans les prochains jours. En ce qui concerne, l'élite, là aussi, on approche tranquillement de cette fin de saison régulière, puisqu'on arrive désormais, à la 29e journée. Il reste une journée, là aussi, de ce côté-là, avec pour l'instant, pas de mouvement en haut, puisque Paris et l'ASVEL dominent toujours. Monaco troisième, donc ça n'a pas bougé pour le haut de ce classement. Ultime journée samedi soir à 18h pour connaître le classement final et voir un petit peu ce que va donner ces playoffs. Ce tirage au sort que l'on attend, on suivra bien sûr avec attention là aussi ce que va réserver ce tirage de ces playoffs, et puis bien sûr on suivra avec attention tout ça. Et puis on va parler un tout petit mot aussi de NBA, puisque là aussi les playoffs, on est en plein dedans. Juste avant, pour vous dire que l'Euroleague, hein, bien sûr, les demi-finales, ça sera la semaine prochaine, hein. Monaco ira défier l'Olympiakos, Ce sera vendredi à 20h. Et puis juste avant, un peu plus tôt, c'est le Fenerbahçe qui apprendra le Panathinaikos dans l'autre demi-finale, dans Final Four. Donc avec la finale qui se rend dans le même week-end, on espère évidemment que Monaco va pouvoir passer cet obstacle donc de l'Olympiakos. Ce sera vendredi 23 mai. On en reparlera bien sûr la semaine prochaine. Mais NBA, je le disais, on connaît les demi-finalistes. Ça a déjà bien démarré pour les demi-finales de conférence. C'est pour l'instant à l'Est, Indiana qui domine face à Cleveland 3, match à 1. New York mène face à Boston 2-1. Et puis à l'Ouest, c'est serré entre Oklahoma et Denver puisqu'il y a 2 partout. Et puis Minnesota domine pour l'instant les Warriors 2-1 de Golden State. Donc voilà, suite de cette demi-finale de conférence cette nuit notamment, avec New York, Boston. Ce sera pour le premier match à 1h30, New York-Boston. Donc pour l'instant New York mène 2-1, je vous rappelle. Et puis à 4h, ce sera les Warriors face à Minnesota. Pour l'instant Minnesota mène 2-1, donc pas de balle de match pour l'instant dans ces deux matchs, mais en tout cas de l'enjeu. Ce sera sur Bein Sport, donc 1h30 et 4h, voilà pour les deux rencontres donc qui nous attendent cette nuit. Puis je rappelle donc en direct aussi un match de la Betclic Elite entre Le Mans et l'Asvel. Le Mans mène 47-38. L'enjeu pour Le Mans, c'est d'essayer de remonter un petit peu au classement pour la suite, pour les playoffs, pour l'Asvel. L'enjeu, c'est d'aller chercher la première place simplement en cas de victoire. Voilà, donc ce sera, pour l'instant c'est en cours, donc bien sûr on suivra tout ça. Et puis l'autre direct que l'on suit, c'est en Italie pour la 36e journée de Serie A, Bergame à Roma 0-0. Après 8 minutes de jeu, bien sûr, on suit avec attention ces rencontres. Voilà pour le basket. Du rugby, puisque là aussi ça se termine prochainement cette saison de rugby. On attend les playoffs là aussi. On attend aussi les finales des Coupes d'Europe, hein, puisqu'on aura, on le rappelle, hein, quand même deux clubs français qui seront en finale du côté de la Coupe des Champions de Northampton-Bordeaux-Bègles 24 mai, donc la semaine prochaine. On est à diète pour Bordeaux-Bègles pour aller chercher, on l'espère, un titre dans cette compétition. Et puis dans la Challenge Cup, et bien là aussi on va attendre tranquillement cette finale entre les Lyonnais et Bas. Ce sera le 23 mai également à Cardiff, voilà cette finale. Donc on a hâte aussi d'y être pour, et on espère deux titres pour nos Français. Voilà pour en tout cas les coupes, les finales de coupe. Et puis en top 14, bien on approche là aussi tranquillement de la fin de saison régulière. Encore 3 journées, je le disais. On aura donc pour l'instant alors qualifié, ça c'est une certitude pour les demi-finales, c'est Toulouse, hein, 84 points, qui est largement qualifié après une victoire, c'était à l'extérieur, une large victoire à Toulon 50-16, mais d'ores et déjà qualifié et premier d'ailleurs du classement, qui possède quand même 15 points d'avance, hein, sur la deuxième place de Bordeaux-Bègles, donc vraiment qui écrase vraiment ça, la concurrence pour l'instant les Toulousains. Montpellier qui a gagné hier soir. Et puis on aura Castres clairement la semaine prochaine, match qui est décalé. Ce week-end, 24e journée, samedi et dimanche, Toulouse Racing, ce sera donc samedi soir. Et puis La Rochelle Montpellier pour le top 6, hein, ce sera dimanche soir. De l'enjeu dans cette rencontre, La Rochelle 7e 52 points, Montpellier 6e 52 points. Voilà, là il y a vraiment de l'enjeu. Je vous rappelle, Toulouse en tête, Bordeaux-Bègles, Toulon, Bayonne, Castres, et pour l'instant Montpellier-La Rochelle vont se battre pour la dernière place. Lyon peut encore y croire, Clermont et Pau également, ça va être plus compliqué pour le Racing. Perpignan a fait un pas important peut-être vers le maintien, avec une victoire face au Stade Français qui donc possède 3 points de retard sur Perpignan. Et puis le Vannes pas totalement décroché, mais ça va être va falloir s'accrocher justement pour ces 3 dernières journées. Donc la première de ces 3 dernières journées, samedi et dimanche, je le disais, à 21h05, et puis dimanche 21h05 pour la Rochelle Montpellier. Voilà ce qui vous attend dans cette fin de saison régulière, avec beaucoup d'enjeux encore pour tout le monde, sauf pour Toulouse, déjà qualifié premier, qui attend tranquillement ses playoffs. Et avant de marquer une pause et retrouver Hugo pour le foot du tennis, Rome cette semaine, dernière vraiment grosse répétition avant Roland Garros, même s'il y aura encore quelques tournois la semaine prochaine, mais plus moins d'ampleur. Cette semaine donc c'est Rome, je le disais, Yannick Sinner fait son retour à la compétition après 3 mois de suspension, qui a bien démarré, 2 victoires en 2-7 pour le numéro 1 mondial, 6-3, 6-4, 6-4, 6-2. Voilà, il est tranquillement qualifié pour les 8e de finale où il affrontera Cerundolo demain, donc pour ces 8e de finale. On a donc également qualifié Mounar Wood, ce sera demain, Hubert Hurkacz Mensik, Tommy Paul à demi-nord, Corentin Moutet qui a réalisé un bel exploit en battant Holger Rune, tête de série 9 quand même, en 3 manches, 7-5, 5-7, 7-6. Il affrontera Jack Trapper, ça va être du costaud, hein, tête de série 5 demain, lui qui est, voilà, qui est vraiment en grosse forme, le britannique. Ce sera demain matin. Alcaraz, numéro tête de série 3, affrontera Khachanov, Muzetti, Medvedev, et puis Arthur Fils aussi, qui a fait l'exploit de battre Tsitsipas en 3 manches, 2-6, 6-4, 6-2. Affrontera une autre grosse pointure demain, Alexander Zverev, dans la fin de session dans l'après-midi, face numéro 2 mondial, donc Zverev qui a battu lui son adversaire en tout présent 6-4, 6-0, donc il est aussi bien en forme. Et voilà, évidemment on attend bien sûr maintenant avec attention eh bien Roland Garros. Et puis chez les femmes, eh bien la tête de série, on connaît les quarts de finale hormis un match qui se jouera d'ailleurs, qui se joue ce soir, qui a démarré pour la numéro 1 mondiale Sabalenka, qui mène 3-0 déjà face à l'Ukrainienne Kostyuk. Et sinon on connaît les quarts de finale, Svitolina qui s'est qualifiée, Paolini, Coco Gauff, qui se sont qualifiés donc pour les quarts de finale de ce tournoi de Rome. Voilà, en tout cas, et puis Swiatek battu sèchement d'ailleurs dès le deuxième tour. Et donc ça s'arrête là pour la numéro 2 mondiale. Voilà pour cette semaine Rome, et puis tu le disais, la semaine prochaine, quelques petits tournois. Alors d'ailleurs, notamment qui va concerner Novak Djokovic, qui a décidé de s'engager puisqu'il a été invité donc pour la semaine prochaine pour participer à un dernier tournoi de préparation. Ce sera à Genève, donc il sera présent pour le tournoi. Il a décidé de faire une dernière halte avant d'attaquer Roland Garros, puisque c'est vrai qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, avec beaucoup de matchs de défaites en premier tour. Donc il a décidé d'y aller pour essayer de prendre un petit peu de repères avant ce grand rendez-vous qui pourrait lui permettre, donc on l'appelle, de remporter un 25e titre du Grand Chelem. Voilà, on n'en est pas là, mais en tout cas il sera là sur les cours la semaine prochaine pour prendre un petit peu de repères. Voilà pour le tennis. Je le rappelle, les directs, donc Bergam qui a ouvert le score, tiens là, il y a quelques secondes, face à la Roma, 1-0, donc après 13 minutes de jeu. C'est Lookman, l'auteur de cette ouverture de score, qui est très importante évidemment pour Bergam. Il est aussi tout autant pour la Roma, qui va devoir revenir très fort pour évidemment essayer d'aller chercher ces 3 points qui vont compter bien sûr pour cette fin de saison, puisqu'il restera encore derrière 2 journées en Italie. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Allez, une pause et on retrouve Hugo. On est un tout petit peu en retard, mais on va se refaire dans les prochaines minutes. On écoute ce titre de Adalouet, c'est What is Love. On se retrouve juste après pour la deuxième partie avec Hugo, que l'on retrouve donc plein de sujets encore, on le disait, Ligue des Champions, Championnat, Ligue 1 bien sûr, plein de choses, et les pronostics pour la dernière et ultime journée de Ligue 1 ce week-end. Ce sera samedi soir. À tout de suite sur Arc-en-Ciel, il est 21h03. Hadaway, What is Love, instant pour cette première pause. Et cette unique pause, puisqu'on va retrouver désormais Hugo qui va nous retrouver à 21h08. On n'est pas en avance ce soir, c'est pas grave. On retrouve Hugo pour cette deuxième partie foot avec plein de choses encore ce soir. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Ça va ce soir? Ça va plutôt bien, un peu malade, mais ça devrait le faire. Cette émission, ça va le faire. Allez, on va démarrer sans plus attendre. La Ligue des Champions, c'était la semaine dernière, mardi et mercredi. Ça y est, on arrive au bout de cette Ligue des Champions avec cette finale qui est connue mais désormais. Paris Inter Milan. On va revenir sur d'abord Inter. C'était donc mardi soir. Inter Barça, comme attendu après un match aller assez fou. Il y a eu lieu aussi ce match retour avec victoire prolongation de l'Inter. Du suspense jusqu'au bout, des retournements de situation, des matchs comme on les aime en fait. Des matchs comme on les aime, des matchs retour comme on les aime, mais surout avoir deux matchs, un match aller, un match retour qui sont presque du copier-coller, ça c'est quand même assez rare, et surtout à ce niveau-là de la compétition, avoir 13 buts marqués en deux rencontres, c'est juste énorme. Et effectivement, c'est ce qu'on aime voir et c'est si peu rare. Alors, ça fait des années qu'on a des très beaux scénarios dignes de films hollywoodiens, tout ça, en Ligue des Champions, c'est vrai. Mais vraiment, un 3-3 match aller avec pareil du rebondissement, on sent toujours un Barça supérieur, techniquement, presque tactiquement aussi. Et même là, globalement dans ce match, dans ce match retour, pour moi le Barça reste quand même plus ou moins au-dessus dans cette confrontation directe. Mais l'Inter, voilà, a aussi ce caractère à savoir rebondir au pied du mur. Et puis il y a aussi quand même ce talent forcément, avec les joueurs qu'ils ont, aller chercher aussi à chaque fois ce but qui va venir tout changer. Non, c'était un match exceptionnel, ce match retour forcément. L'Inter couvre le score face à Lautaro à la 21e, qui va venir marquer le 2-0 juste avant la mi-temps, surtout avec un pénalty de Çalhanoğlu. Et puis le Barça forcément qui va vraiment remettre complètement le pied sur le ballon en seconde période et qui va complètement dominé ce match en seconde période, et il va vite revenir avec Eric Garcia qui marque à la 54e à l'heure de jeu déjà l'égalisation de Daniel Mo. Et puis voilà, là, le Barça va continuer à pousser avec un très bon Rafinha aussi, un très bon Lamine Yamal, et puis Rafinha que je viens de nommer, qui pense aller mettre le but de la victoire et de la qualification à la 87e. Ça fait 3-2, le Barça a fait sa petite remontada, et puis non, c'est pas fini, Cherbi qui a placé ce troisième but miraculeux de l'Inter, on s'y attendait plus au bout du bout à 90+3, et ça fait voilà cette prolongation aussi qui ont été forcément un peu moins intensives, mais tout de même avec encore beaucoup de suspense, et ce but de Frattesi qui était rentré quelques minutes plus tôt à la 99e minute, puis ça fait 4-3, et au final même le Barça va encore pousser, mais ce sera pas suffisant. Et non, franchement c'est un match historique, effectivement. Des matchs comme ça, on n'en voit pas non plus tous les jours, ça c'est sûr. Encore une fois, à ce niveau-là de la compétition. Et ça nous promet une très belle finale. Hein. L'Inter, finalement, on n'en parlait pas tant que ça. Enfin, en tout cas, pas autant que le Barça ou même Liverpool il y a encore quelques semaines, forcément, avant qu'ils soient éliminés par le PSG. Mais on n'en parlait pas tant que ça. Et c'est vrai que cette Inter est quand même une sacrée équipe. N'est pas forcément la plus incroyable ou excitante équipe à avoir joué en soi, mais a tellement de qualité aussi, je l'ai dit, dans le caractère, mais aussi dans les contres, dans les transitions offensives, et puis voilà, encore beaucoup de talent également, bien sûr. Donc ça promet une très belle finale aussi contre le PSG. Attention à cette équipe de l'Inter qui voilà a éliminé peut-être aussi l'une ou la meilleure équipe d'Europe, hein, le Barça quand même, pour moi, je pense. Donc cette équipe de l'Inter, franchement, elle a encore beaucoup à donner, je pense. Mais elle a aussi le championnat à jouer encore, hein, l'Inter. Donc c'est pour ça que le PSG a peut-être cet avantage-là aussi. Et en tout cas, oui, forcément un match exceptionnel contre le Barça. Et l'Inter, c'est la deuxième finale en 3 ans, hein, mine de rien. Et en plus, oui, c'est vrai que c'est continu, c'est vraiment continu. À voir si maintenant il faut la remporter aussi. Voilà, à un moment il faut aussi essayer d'évoluer, mais c'est vrai que c'est vraiment cohérent ce qui se passe depuis plusieurs années dans ce club-là. Il domine globalement quand même le championnat italien depuis 2-3 ans aussi, même s'ils n'ont pas forcément gagné encore chaque saison, mais ils sont encore en course cette année. Mais c'est vrai que cette équipe de l'Inter est vraiment l'une des meilleures équipes d'Europe, Et on le voit encore là, c'est flagrant. Et c'est vrai que je le disais, on n'en parlait pas assez, mais ils ont su nous prouver que effectivement l'Inter est un vrai outsider pour la Ligue des Champions et pour être pourquoi pas aussi à la Coupe du Monde des clubs cet été. Oui, ils sont qualifiés l'Inter. Hein. Ils sont qualifiés. Ouais, ils sont qualifiés. Mais voilà, être vraiment l'une des, si ce n'est dans le top 3, bien sûr, des meilleures équipes d'Europe. Ouais, exactement. Et ça, on suivra bien sûr avec attention cette équipe-là en finale. Et puis, bah, bien sûr, Paris qualifié face à Arsenal, alors qui a attaqué très très fort. Hein. On s'est dit, ça va être compliqué de tenir. Et puis, c'est vrai que Arsenal a quand même eu globalement plus d'occasions. Mais Paris a réussi à faire le tour rond et marquer quand il fallait. Et finalement, c'est une qualification. Pas facile, mais ça a été assez maîtrisé quand même. Oui, après on a aussi parlé ensemble en off. C'est vrai que Arsenal, je te l'ai dit, moi, et enfin pas que moi bien sûr, mais moi globalement déçu sur cette double confrontation, hein, pas que sur le match aller, pas que sur le match retour, vraiment sur l'ensemble des deux matchs. C'est vrai que j'attendais ce Arsenal-là à un autre niveau, parce que même chose, c'est une équipe pas autant que l'Inter, mais qui depuis plusieurs saisons maintenant, vraiment sa place dans le top 3, top 4 à chaque fois de Première Ligue. Même chose en Ligue des Champions, déjà l'année dernière, ils étaient arrivés assez loin, ils composaient vraiment du beau jeu. La patte Mikel Arteta est vraiment très belle, mais le problème c'est que oui, au final, ça fait 2-3 ans que ça stagne, et ça stagne un peu trop, et Arsenal aurait dû proposer mieux. En tout cas, je dis pas qu'ils étaient obligés de se qualifier en finale, ça reste la Ligue des Champions, ça reste... sans doute la compétition de football la plus compliquée, la plus relevée du monde. Donc au moins montrer un autre visage, et c'est vrai que j'ai été assez déçu. Alors oui, effectivement, ces 10-15 premières minutes, début du match, retour, je pense que j'attendais tous, hein, de toute façon, parce que Arsenal pousse directement, c'est ce qu'il fallait. Il y avait quand même un retard seulement d'un but, mais il y avait ce retard-là, donc il fallait vite pousser, vite essayer de marquer. Maintenant, ils sont aussi tombés sur un très grand Donnarumma. Franchement, il a été énorme, Donnarumma, notamment sur le début de match où il en sort deux énormissimes, surtout la dernière, la frappe, c'est pas Odegaard qui frappe et il se couche vite au sol, Donnarumma. Ouais, il est masqué au départ. Ouais. C'est ça, alors il est masqué, et on connaît son gabarit, Donnarumma, on sait que les gardiens, les grands gardiens, c'est quand même déjà plus compliqué d'aller au sol rapidement. Mais c'est vrai que ça, c'est un exercice sur lequel il s'est, je pense qu'il a beaucoup travaillé et sur lequel il est très très bon. Mais voilà, un grand Donnarumma, et puis tu l'as dit, après le PSG a fait le dos rond, a su passer cette passe là, cette période là tranquillement entre guillemets, et puis a su ensuite marquer quand il fallait, bien évidemment. Faut retrouver juste les petites notes avant de voilà, un beau but de Fabian Ruiz aussi, alors qui est dévié certes, mais qui explique bien aussi sur ce ballon là. PSG a poussé bien sûr. Après, j'ai beaucoup aimé Kvaratskhelia en soi dans son apport dans le jeu. Il y a ce poteau là aussi qui touche en première période. Je crois que c'est avant le but, le poteau Kvaratskhelia. Barcola, j'ai beaucoup moins aimé, mais c'est à l'image de sa saison, de sa deuxième partie de saison, on va dire ça comme ça, où il est vraiment, il est un peu en dedans. On le sent plus trop. Je prends confiance aussi forcément, mais il a été trop timoré encore une fois dans cette confrontation là, dans ce match retour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Hakimi, qui a été l'homme du match, ça aussi, ouais. Je te l'avais dit en off. Oui. Je l'ai pas trouvé moi si en seconde période il s'est plutôt rattrapé. Bon, il a marqué son but, bien évidemment, en étant bien placé, ça c'est sûr, mais j'ai trouvé beaucoup d'erreurs techniques, notamment en première période, où il loupait des centres, des passes, des contrôles, enfin. Des trucs de base, mais qui sait vraiment bien faire, bien sûr, à la base, et sur lesquels on n'est pas habitué à le voir flancher comme ça. Et ouais, j'ai trouvé un peu très moyen, on va dire, en première période. Mais globalement, un bon match, une bonne rencontre du Paris Saint-Germain, qui bien sûr mérite amplement sa place en finale. Et maintenant, voilà, l'histoire est en marche. Il y a eu 2020, il y a 2025 maintenant, en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Après, à voir, est-ce que cette Inter-là est potentiellement plus faible ou équivalente au Bayern de 2020, je sais pas, c'est pas le même type d'équipe, c'est pas la même approche de football, c'est pas du tout les mêmes tactiques, le même coach, donc c'est, puis même le PSG est évidemment bien différent de 2020, ça c'est une certitude. Mais le PSG a toutes ses chances. Là, pour moi, vraiment, je pense que c'est du 50-50. Là, je pense qu'on pouvait pas mieux faire. PSG Inter, je pense que t'en penses toi, mais je ne peux pas vraiment tirer de favoris clairs. Non, c'est clair. Là, c'est, après, c'est... à ce niveau-là, la compétition, c'est forcément, voilà. T'arrives en finale, dans tous les cas, chacun fait un long parcours. Mais je veux dire, quand même, j'ai du mal à vraiment avoir quelle équipe peut avoir un petit peu l'ascendant sur l'autre, quoi. Ouais, ça va être partagé, ça va être équilibré cette finale. On a Diète, c'est le 31 mai. Et puis, tu le disais, ouais, y aura déjà deux matchs avant ça pour l'Inter, hein, qui va encore se battre pour le titre. Et puis, Paris ne jouera finalement que ce week-end son dernier match. Et puis, la finale de la Coupe de France aussi, juste avant, qui sera le. Je sais plus d'ailleurs, c'est quelle date cette finale, est-ce que ce serait pas le 25, le 24 mai? Je ne sais plus, à vérifier, mais il y a cette finale de Coupe de France avant cette grande finale. Donc voilà, il va y avoir deux titres à aller chercher pour Paris. Ce sera le 24 mai, oui. Ce sera, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc juste la semaine qui précède cette finale. Donc voilà, une dernière répétition face à Reims pour aller chercher déjà un deuxième titre, enfin un troisième même avec le trophée des champions, et avant peut-être potentiellement finir en apothéose avec cette finale. Le 31 mai prochain, voilà donc pour Paris-Inter. Que dire sur cette finale? On a quelques infos déjà, puisque ce sera István Kovács qui va arbitrer cette finale, voilà qu'on a vu régulièrement en Ligue des Champions, hein. Et ce sera, me rappelle, à Munich, hein. Il avait arbitré Liverpool-PSG, hein, en huitième de retour, hein, cette saison notamment. Donc voilà, il a l'habitude de ces grands rendez-vous, hein, puisqu'il avait aussi arbitré la finale de la Ligue Europa Conférence en 2022, et puis celle de la Ligue Europa en 2024. Donc voilà, c'est un homme habitué à ces grands rendez-vous. Voilà, et voilà, enfin il y aura d'autres infos d'ici là bien sûr, mais en tous les cas, voilà ce qui pour les premières petites infos de cette finale. Voilà pour cette Ligue des Champions, on en reparlera bien sûr la semaine qui précède, hein, pour remplir un petit peu ce rendez-vous, réchauffer un petit peu tout ça. Il y a eu des buts, enfin il y a une égalisation, en tout cas c'est la Roma qui a égalisé. Cristiano qui a égalisé du côté de la pelouse de l'Atalanta, donc un partout. Ça relance cette rencontre. Rappel, voilà, il y a de gros enjeux dans cette rencontre. Donc on va en parler aussi dans un instant avec notre tour d'Europe, mais c'est vraiment un match avec beaucoup d'enjeux qui se déroule en ce moment du côté de l'Atalanta. Donc maintenant, on va lancer notre tour d'Europe avec l'Allemagne. L'Allemagne où on arrive à l'avant-dernière journée. Des enjeux encore aussi, hein, pour pas pour la première deuxième place, mais pour la suite bien sûr. Premier résultat important, c'est Dortmund peut-être qui a, tu en avais parlé, hein, c'est vrai, ces dernières semaines, qui a été gagné à Leverkusen. Alors peut-être un Leverkusen un peu moins concerné qui finira deuxième quoi qu'il arrive, mais Dortmund qui fait une très belle opération en gagnant 4-2. Et qui, ça y est, maintenant pour l'instant est bien placé à 5e place. Ouais, c'est ça, ouais, un nouveau très bon résultat, ouais, comme je le disais depuis déjà quelques semaines pour Dortmund, ouais, dans cette remontée un petit peu folle qu'ils nous font au classement maintenant, ouais, c'est encore possible pour eux, hein, du coup, avec la dernière journée, tu l'as dit, de se qualifier pour la C1. On verra ça avec le classement dans quelques minutes, mais voilà, une belle victoire 4-2 effectivement à Leverkusen. Qui est un score finalement quand même assez sévère, hein, pour le Bayern, parce que voilà, c'est quand même eux qui ont ouvert le score juste après la demi-heure de jeu grâce à une belle action collective conclue par Frimpong, alors que Dortmund, voilà, ils voyaient justement pas le jour depuis le début du match, hein, sur cette première demi-heure. Dortmund n'a vraiment pas été dangereux du tout, et contrairement à Leverkusen qui vraiment poussait jusqu'à donc ce but de Frimpong à la 31e. Et puis juste après, le BVB sur deux contres rapides va être chirurgical et égalisé, puis mené grâce à des buts respectivement de Brandt et de Ryerson. Ça fait 2-1 à la mi-temps, alors que Leverkusen avait aussi touché la barre juste avant le retour au vestiaire, et la VAR avait aussi annulé aussi un penalty pour Leverkusen en début de match. Donc voilà, vraiment le sort qui tournait totalement en faveur du Borussia Dortmund, contrairement à Leverkusen qui, voilà, sportivement parlant et sur la physionomie du match de cette première période, méritait au moins voilà, le match nul sur cette première période, mais surtout de gagner. Et puis même cas de figure un petit peu en seconde période où, voilà, pareil, sur des contres et des transitions rapides, Dortmund va corser l'addition en marquant à la 73e minute par Karim Adeyemi et à la 77e par l'infatigable Serou Guirassy, qui est justement repassé grâce à ce but-là devant Patrick Schick, hein, l'adversaire du soir, au classement des buteurs. Donc voilà, Guirassy qui est juste devant à une unité de Patrick Schick. Donc ça fait 4-1 et puis un but anecdotique, voilà, mais néanmoins mérité quand même de Leverkusen pour amoindrir l'écart dans les arrêts de jeu grâce à Hoffmann. Donc ça fait 4-2 hein, pour Dortmund, on l'a dit. Je l'ai dit, c'est vraiment sévère pour Leverkusen qui aurait mérité beaucoup mieux. Mais Dortmund, je l'ai dit, a été chirurgical, a été extrêmement efficace et réaliste. Et Leverkusen voilà, a payé un petit peu ça, c'est quelques largesses défensives, mais aussi sa malchance, son manque de réussite. Et puis voilà, je l'ai dit, la VAR qui a refusé aussi son pénalty, etc., etc. Donc voilà, un mauvais après-midi pour Leverkusen qui effectivement a quand même sa deuxième place en poche, bien sûr. Mais voilà, un mauvais résultat pour la dernière de Xabi Alonso à domicile avant son départ, très probablement au Real Madrid, oui. Sachant que, je sais pas si t'as prévu de le dire tout à l'heure, mais Ancelotti, c'est officiel, va être le sélectionneur du Brésil. Tout à fait, ouais. Ouais, ça y est, c'est fait, donc la suite est logique pour Xabi Alonso du coup. Hein. Même si c'est pas encore officiellement fait, mais bon, c'est depuis un moment dans les tuyaux, effectivement. Bon, en tout cas, lui, il a acté son départ aussi de Leverkusen, oui. Effectivement. Et voilà, on le sait, c'est pas un secret, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ils sont pour parler avec le Real et on voit pas comment ça pourrait ne pas se faire. Ouais, exactement. On continue avec quoi d'ailleurs? Est-ce que tu veux Le Bayern peut-être. Avec le Bayern, ouais, qui est bon, ouais, sans enjeu, mais qui gagne. Ouais, il y a moins de choses à dire, mais c'est un petit peu dans la lignée de Leverkusen. Pourquoi? Parce que Leverkusen, c'était le dernier match à domicile pour Xabi Alonso, entraîneur. Mais là, c'était aussi la dernière à domicile de l'infatigable, de l'éternel Thomas Müller, bien sûr, à l'Allianz Arena. Donc voilà, il fallait terminer aussi sur une bonne note pour lui dans son stade de toujours. Victoire 2-0 du Bayern. Alors effectivement, le titre a été acquis depuis une semaine maintenant officiellement. Donc voilà, il y avait, tu l'as dit, plus réellement d'enjeu bien sûr dans ce match pour eux, mais voilà, je pense que l'équipe et Thomas Müller avant tout, et ça s'est vu dans le match aussi, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ses coéquipiers dans les situations offensives essaient de le rechercher pour essayer de le faire marquer forcément et pour une petite dernière danse justement dans son stade. Il n'aura pas marqué hein, dans ce match, il aura tenté, il aura essayé, mais voilà, une victoire à l'aise hein, des Bavarois globalement, avec un but et une passe D pour Michael Olise, le Français, hein, qu'on avait cru voir d'ailleurs marquer un magnifique but sur le premier but du Bayern, mais au final ça sera comptabilisé pour lui comme une passe décisive, parce qu'en fait il frappe, il est à l'entrée de surface côté droit, et il va enrouler, on croit, avec l'angle de la caméra, on aurait cru que ça partait en lucarne opposée, mais au final son tir est dévié de la tête relativement volontairement par Harry Kane, et donc c'est un but comptabilisé pour Harry Kane et donc une passe D pour Olise. Mais Olise qui va donc marquer ce second but pour le Bayern en seconde période. Ça fait donc 2-0 pour le Bayern. Gladbach qui aura quand même tiré au but hein, 16 fois, et je crois que c'est 24 pour le Bayern, je vais vérifier vite fait. Donc c'est 24 attends, je suis pas sur le bon match. Je prends pas les bonnes stats, ça va pas le faire. C'est 24 fois. Ouais, c'est 24 tirs à 16. Donc ouais, Gladbach qui tire 16 fois, mais qui n'a globalement pas été dangereux. Alors, franchement, ces 16 frappes, ça n'a jamais vraiment levé les poils ou très frissonné les joueurs du Bayern. Donc voilà, une belle fête, je le disais. Donc pour la dernière de Müller qui est sortie à la 83e sur une standing ovation avec une aide d'honneur hein, carrément en plein match comme ça. Bon, je pense que c'était un peu préparé d'avance. Le score était déjà relativement fait, il n'y avait pas d'enjeu ni pour le Bayern ni pour Gladbach qui n'a plus rien à jouer de toute façon. Donc une aide d'honneur à la 83e pour la sortie de Thomas Müller avec tous les joueurs de Gladbach qui applaudissaient, évidemment le stade. Donc c'était voilà, c'est très beau à voir bien sûr. Il restera un dernier match peut-être pour marquer une dernière fois avec le Bayern. En tout cas, c'était sa dernière danse à domicile et voilà, même s'il n'a pas marqué, je pense qu'il en garde un très bon souvenir avec cette magnifique sortie, cette standing ovation. Et voilà, la fête a été très belle. Côté Bayern encore ce week-end. Ouais, le Bayern qui terminera la saison samedi du côté de Hoffenheim, voilà, pour clôturer cette saison avant de bien sûr aller jouer cette Coupe du Monde des clubs aussi, hein, on rappelle. Je sais pas si d'ailleurs Müller va y participer. Hein. Là, c'est une bonne question. Je sais pas si peut-être pas. Bah, Ouais, je sais pas. Parce que je sais qu'il y a des joueurs dans certaines équipes qui sont pas forcément. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est assez spécial cette. Est-ce que s'il y a des transferts, comment ça va se passer aussi? Ouais, c'est aussi. Ouais. À suivre, on verra ça. D'autres résultats, on peut annoncer peut-être la victoire de Mayence qui a gagné à Borum 4-1. Alors c'est l'antenne rouge des relégués. Pour Mayence, c'était important de stopper la série puisque c'était quand même une série de 7 matchs en victoire. Donc c'était important de stopper cette série et ça permet de remonter à la 6e place qui pour l'instant est la dernière place qualificative. À la Ligue des Champions, alors aux Coupes d'Europe, pardon, ça va être compliqué d'aller chercher mieux de toute façon pour Mayence, mais c'était important de gagner et stopper cette série. Et puis du coup le grand perdant c'est Fribourg, hein, pas Fribourg pardon, Leipzig qui a perdu 2 points à Brême 0-0, puisque bah désormais eh bien ils sont 7e et donc du coup pour l'instant ils sont pas qualifiés pour les Coupes d'Europe, donc c'est vraiment pas un. Et c'est fini pour la C1 pour eux en tout cas, dans tous les cas. Oui, c'est plié puisque les 4 premiers sont. Enfin, en tout cas, il y a plus de possibilité pour eux de le faire. Donc ça, c'était voilà un résultat important. Fribourg aussi qui gagne important à Kiel 2-1. Ça leur permet d'être 4e, donc rester bien accroché à cette place qualificative, même si elle n'est pas, on le disait tout à l'heure avec Dortmund qui est tout proche, donc ça va être il va y avoir de l'enjeu aussi jusqu'au bout. Voilà globalement les résultats importants du week-end. Donc le Bayern 79 points, Leverkusen 68 points. Puis pour Francfort qui a fait de partout aussi. Et oui bien sûr. Merci. Oui face à Saint Pauli et donc bah ils sont pas tout à fait assurés, même si c'est bien parti quand même pour rester sur le top 4. Ce qui est passionnant, on va le dire après, mais c'est que pour la dernière journée, Francfort joue Fribourg. Oui. Fribourg 4e. Et ils ont donc ça se joue à 2 points. Ils ont 2 points d'écart, là, le 3e et 4e. Donc Francfort 3e, Fribourg 4e. Donc tout est possible pour ces deux équipes. Et aussi du coup pour Dortmund aussi. Parce que, alors, selon le résultat qu'offre Dortmund aussi, mais Dortmund peut vraiment une vraie chance aussi d'aller en C1 en cas de victoire, selon le score aussi de Francfort Fribourg. Oui. Mais dans tous les cas, ce sera fait en cas de victoire pour Dortmund. Oui, s'ils gagnent, ils sont. Si Fribourg gagne et Dortmund gagne, Francfort et Dortmund seront à égalité de points, mais selon le goal average. Ils sont dans le top 4 de toute façon, oui. Voilà, donc c'est, Dortmund a une vraie carte à jouer en ce cas. Ils ont leur destin en main, en tout cas. Avec une victoire, ils s'assurent d'être 4e. 3e, non, mais ils s'assurent en tout cas d'être 4e. Quasiment. Et Francfort, ils sont aussi bien placés, à moins de vraiment perdre de. Ah, il y a 3 buts d'écart entre. Si Francfort perd que 1-0 ou 2-1 et que Dortmund gagne que d'un but aussi, Dortmund peut être laissé 5e. C'est. Oui. En Allemagne, c'est le goal average, c'est pas les. Ouais, c'est le goal average, ouais. C'est pas les confrontations directes. Ouais. Donc, il y a un monde où Dortmund, quand même en gagnant, peut ne pas lancer un, mais. Globalement. Ouais, c'est. Oui, enfin, oui. Oui, t'as raison. Ils ont des grandes chances, c'est quand même plus ou moins leur destin entre leurs mains quand même. En gagnant 3-0, tu y es quoi. Voilà. En gagnant 2-3 buts d'écart. Surtout qu'ils jouent Kiel, ils jouent Holstein Kiel, qui est déjà relégué, donc oui. Entre guillemets, voilà, le taf doit être fait quoi. C'est ça. Donc voilà, ouais, 57, 55, 54, on l'a dit. Pour Mayence, bah. 5e place, ça va être compliqué à aller chercher. Il y a beaucoup d'écarts quand même de points, de différence de but, donc ça va être compliqué. Mais par contre, Mayence et Leipzig vont se battre pour la 6e place a priori. Hein. Pour la 5e, ça va être assez complexe. Et puis bah en bas, je vous l'ai dit, Kiel c'est terminé, Borum c'est fini depuis aussi quelques matchs. Heidenheim peut encore essayer de sauver sa peau pour aller chercher pour le barrage face à Hoffenheim, puisque bon il y a quand même pas mal d'écarts. Hein. Il y a 6 buts d'écart, donc il faudrait vraiment un scénario incroyable, mais c'est possible encore pour s'éviter cette place de barragiste. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr la semaine prochaine. Et a priori, du côté de la deuxième division, c'est pour l'instant Hambourg et Cologne qui devraient remonter. Et pour la place de barragiste, il y a encore de l'enjeu derrière, c'est compliqué, donc on va pas s'avancer, mais en tout cas pour. Hambourg et Cologne, c'est fait pratiquement. Hein, Hambourg, c'est sûr, Cologne pratiquement. Et puis derrière, il y a de l'enjeu pour la dernière place de barrage. On l'a dit, dernière journée, ce sera samedi à 15h30 tous les matchs. Et tu l'as dit, on a ce match intéressant entre Fribourg et Francfort. Voilà, ce sera un jeu important. On aura Leipzig-Stuttgart, là il y a un enjeu pour Leipzig bien sûr. Mayence-Leverkusen, bah de l'enjeu pour Mayence, surtout Leverkusen beaucoup moins. Mais voilà, où vont les 6 et 7e pour ces deux rencontres. Et puis le Bayern finira, on l'a dit, à Hoffenheim. Dortmund recevra Kiel, tu l'as dit, le dernier. Voilà les matchs de ce samedi pour clôturer cette saison. Et la semaine suivante, on aura la finale de la Coupe d'Allemagne, on le rappelle, entre Bielefeld et Stuttgart. Voilà, mais ce sera en même temps que notamment la finale de la Coupe de France. Et d'autres, on en reparlera aussi pour les autres finales. Voilà pour l'Allemagne. C'est la mi-temps en Italie où on va aller dans un instant d'ailleurs pour le débrief. Atalanta à Roma, un partout. Pour l'instant, ça n'arrange évidemment personne ce résultat. On va évidemment voir ce que ça va donner au classement, ce résultat. Et avec ce qui s'est passé aussi ce week-end. 36e journée. Pour démarrer, le Milan AC qui gagne 3-1. Pour le Milan AC, c'est pas encore tout à fait mort, l'affaire, mais c'est vrai que là, ils enchaînent une troisième victoire consécutive. Il reste 6 points à prendre. C'est pas complètement fini. On se rappelle qu'il faut aller chercher au moins une 6e place. Pour l'instant, elle a 3 points, cette 6e place. Donc rien n'est fait, mais en tout cas, succès important face à Bologne, un autre concurrent, en fait. C'est une vraie victoire importante pour le Milan. C'était un peu oui. En tout cas, la dernière chance. Alors, tu l'as dit, ça va encore être compliqué d'aller chercher une place européenne. C'est faisable, effectivement, tu l'as dit. Mais en tout cas, il fallait effectivement remporter ce match-là. C'est un vrai défi. Ils l'ont fait. Ils sont plutôt bien tenus la baraque, même si Bologne a eu aussi des opportunités. C'était un match serré entre les deux équipes. Mais il fallait ces 3 points-là pour l'une des deux équipes. Et le Milan a fait le job, effectivement. Alors, mathématiquement parlant, ils peuvent encore se qualifier pour la C1, oui. En soi. Oui, même alors, la C1. Avec la Juve et la Lazio ne marquent plus de points durant ces deux dernières mi-temps. Dernière mi-temps. C'est 4 dernières mi-temps. Si, c'est 4 dernières mi-temps, du coup. Monsieur Beto aujourd'hui. Donc ça risque d'être compliqué quand même. Alors après, oui, c'est les 4 premières places ou 5 aussi en Italie. 4, 4. Comme ils sont. 4, ouais. Il n'y en a pas 5, bien sûr. Non, 4 qualifiés en Ligue des Champions. Parce qu'ils ont pas un de plus avec leur classement à l'UEFA, parce que l'année dernière c'était un peu ça aussi. Je sais plus. Je suis perdu en force, mais. La Ligue des Champions c'est quasiment mort, de toute façon, même. L'Europa, ça va être compliqué. Donc oui, il reste plus que la conférence à aller chercher, je pense, pour moi. Mais enfin, oui, effectivement, essayer de jouer ça jusqu'au bout. Je l'ai dit, ce match-là, il fallait le gagner contre Bologne. Maintenant, voilà, il reste encore un match à Rome la semaine prochaine, enfin, ce week-end. Le week-end à Rome. Ouais, donc... Tu voulais te faire voir 100 personnes. Et puis, dernier match à Monza. Sachant qu'entre-temps, cette semaine, il y a la finale de Coupe d'Italie contre Bologne. Mais oui, ça sera Bologne, même rencontre, ouais. C'est marrant. Ouais. Rebelote, ouais, exactement. Donc, c'est pas simple pour Milan. Hein. Après, si on remporte cette Coupe, ça laisse une place aussi en Europa. Hein. C'est pareil, la Coupe d'Italie. Et oui, exactement. Donc, c'est peut-être l'occasion de ce match-là. C'est mercredi, en fait. Hein. C'est mercredi. Ouais, ça arrive vite, c'est vrai qu'elle arrive tôt cette finale. Donc peut-être que mercredi pour eux, l'affaire sera réglée. Ah, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire pour essayer de passer les deux derniers matchs plus tranquillement en championnat, quoi. Donc effectivement, ils ont cette chance-là. Ils ont gagné le premier round de la contre les Bolognais. Donc faut qu'ils soient rebelote cette semaine. Enfin, ce mercredi. C'est ça. Ça sera mercredi à 21h, cette finale, donc il sera sur la chaîne d'équipe. Donc, une première balle de Coupe d'Europe pour les deux. Alors, surtout pour Milan, puisque Bologne est un petit peu plus en avance, même si ils ne sont pas encore pour l'instant sur une place qualificative. Mais surtout que la Roma joue ce soir. Hein, donc, en fonction de ce résultat, ça peut les éloigner aussi un petit peu. Donc, à suivre tout ça, on va suivre déjà cette fin de match. Mais le Milan. Fait une belle opération en gagnant ce vendredi. Un résultat qui n'arrange personne, c'est celui entre la Lazio et la Juve, un partout. puisque évidemment personne s'échappe à la quatrième place, et surtout ça laisse revenir tranquillement l'Aroma dont on parlera après, qui joue en ce moment, qui peut revenir, et ça laisse revenir aussi la Lazio, ça laisse revenir pardon Bologne notamment. Donc c'est vrai que c'est un résultat qui arrange personne, ce résultat entre la Lazio et la Juve. Un mot peut-être là-dessus. Il y a Colomboigny, buteur oui. Encore. Oui, oui, Colomboigny qui, alors, qui est pas, on disait déjà il y a deux semaines, mais qui n'est pas dans une excellente période là depuis quelques matchs, mais qui a marqué effectivement, et c'est un petit peu ce qui a décanté cette rencontre, parce que c'est vrai que jusqu'ici le match était pas très ouvert, n'était voilà pas très académique, une première période vraiment terne entre ces deux équipes là. Avec beaucoup d'enjeux, tu le disais, par rapport aux Coupes d'Europe, bien évidemment. Donc ce but de Colomboigny qui arrive assez tôt à la reprise de la 51e minute de jeu. Et puis le carton rouge, hein, ce fait de jeu pour Kalulu côté Juve à la 60e à l'heure de jeu, qui va laisser pendant une grosse demi-heure la vieille dame à 10 contre 11. Et la Lazio va pousser, hein, bien sûr. La Lazio va tenter beaucoup de fois... t'as égalisé de tir au but bien sûr, et il faudra attendre le bout de la fin à 90 plus 6 avec ce but de Vecino qui vient égaliser. Donc c'est vrai que c'est vraiment deux points de perdu, je pense, pour la Lazio, où il y avait vraiment la place d'aller chercher la victoire contre cette Juve quand même encore je trouve assez timorée, assez malade, assez inoffensif quand même, hein. Il y a plus de Colomboigny, mais au-delà de ça, voilà, la Juve n'est pas non plus un monstre d'efficacité et de réalisme devant. Donc c'est vrai que la Lazio, je pense, peut se mordre les doigts sur ce match-là, parce que cette sixième place, ils auraient pu avoir mieux, ils auraient pu bien sûr dépasser la Juve au classement et s'installer dans le top 4 en cas de victoire. Il y a eu, je l'ai dit, une grosse demi-heure à 11 contre 10 pour eux, pour la Lazio. Donc je pense vraiment que c'est deux points de perdu pour la Lazio. Et à la limite, avec ce fait de jeu-là et ce carton rouge, un bon point de prix quand même pour la Juve dans cette rencontre-là. Voilà, bah maintenant je sais pas. Ce qu'il y en a du calendrier de ces deux équipes, il y a l'Inter pour la Lazio ce week-end, donc ça va pas être simple pour beaucoup. Non, qui joue le titre évidemment. Bien sûr, donc et la Juve, je sais pas si là. Ils reçoivent Udinese. Udinese et puis Venise, ouais. Donc c'est un calendrier plus abordable pour la vieille dame, où il va falloir faire un sans faute pour s'assurer ce top 4 et une place en Ligue des Champions. Et là-dessus, là, oui, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que vraiment, je pense qu'ils peuvent, avoir beaucoup de regrets sur ce match nul, sur cette rencontre contre la Juve. C'est un partout, encore une fois, en évoluant à 11 contre 10 pendant une grosse demi-heure. C'est vraiment un très mauvais résultat pour eux. Oui, tu l'as dit, l'Inter et Lecce qui jouent encore son maintien. Donc, c'est deux adversaires où ça va pas être simple, ouais. Bien sûr, évoquons maintenant les équipes de tête, hein, l'Inter. Et Naples, l'Inter, bah voilà, qui a pas lâché, qui lâchera pas, hein, on l'a dit, hein, qui avait encore un espoir grâce à sa victoire 2-0 au Torino, couplé match nul hier soir du Napoli face au Genoa, deux partout, voilà, qui s'est fait rejoindre dans les dernières minutes, voilà, le suspense va se jouer jusqu'au bout probablement. Bah, c'est bien parti, en tout cas, c'est bien parti. Ça c'est sûr. Pour l'instant, le suspense il est entier. Effectivement, l'Inter qui a fait un très bon match sur la pelouse du Torino, qui a été très efficace devant, grâce à des buts de Zalewski et d'Aslani sur penalty, et qui a été aussi très très costaud encore une fois défensivement. Ça c'est vrai que c'est une vraie force aussi pour l'Inter, et c'est ce qui peut poser beaucoup de problèmes aussi défensivement au PSG pour la finale de LDC. Mais l'Inter qui a vraiment fait le match qu'il fallait, justement à surbondir après ce trop plein d'émotions de la semaine dernière, de la semaine passée en Ligue des Champions, et a su faire le job. 2-0 Torino, c'est ce qu'il fallait pour mettre la pression à Naples qui jouait juste après. Et Naples, justement, ouais, t'as pas fait le job, mais en allant prendre les 3 points, mais qui prend quand même ce point du nul qui leur permet d'avoir toujours un point d'avance sur l'Inter. Mais ils ont laissé filer, voilà, cette victoire, ce succès, où ils auraient vraiment pu avoir 3 points d'avance et donner un peu d'air. Mais il y a eu ce but, cette égalisation en fin de match du Genoa à la 84e, alors que Raspadori avait donné le 2-1 pour Naples après l'heure de jeu, et Naples avait ensuite plutôt géré ce match. Et voilà, c'était sans compter sur cette petite bévue là, parce que c'est vrai que Naples a vraiment dominé ce match, voilà, du début à la fin globalement. Mais c'est une très mauvaise opération. Alors tant mieux pour nous en tant que spectateurs, on va dire, de ce spectacle-là. Mais effectivement, pour Naples, il y a de quoi avoir des regrets. Et peut-être sur ce match-là, une saison peut se jouer. On va voir ce que ça va donner encore dès ce week-end pour la 37e journée où ils reçoivent. Ils vont à Parme plutôt. Napolitain, et ensuite Cagliari. Donc je crois qu'il n'y a plus spécialement d'enjeux pour ces équipes-là. Peut-être encore un peu le maintien pour Parme. Pratiquement sauvé. Ouais, mais... Cagliari aussi. C'est quasiment fait. Ah, tu me diras si Naples gagne contre Parme, voilà. Mais Parme, non, quand même un peu d'enjeux, hein, plus que Cagliari. Mais absolument un résultat pour Naples dès ce week-end, bien sûr. Et là, c'est vrai que c'est encore une fois deux points aussi de perdu pour eux. Parce que l'Inter, donc on l'a dit, jouera la Lazio aussi ce week-end, ça va pas être simple, hein, bien sûr. Et ce sera un déplacement à Côme pour la dernière journée, on va dire, où c'est presque une victoire déjà acquise, je pense, pour l'Inter. Mais voilà, mais encore beaucoup de suspense, tu l'as dit, et rien n'est fait. Très bien. En direct, donc à AS Rome qui se déplace à Atalanta partout, ça pourrait permettre. Cas de succès de la Lazio de la Roma, pardon, de continuer sa grosse série et de reprendre la cinquième place. Donc il y a de l'enjeu sur ce match, et puis pour l'Atalanta aussi, hein, pour rester vraiment bien devant et s'assurer une fin de championnat plus tranquille. Donc deuxième mi-temps avec de gros enjeux. On va continuer de suivre ce match bien sûr avec attention, mais pour l'instant c'est la Roma revient quatrième pour l'instant avec ce point du nul, hein, à différence de but, donc c'est relativement serré. Voilà, on va suivre bien sûr la suite de ce match. Et juste la Fiorentina qui a perdu à Venise ce week-end 2-1 et qui dit quasiment adieu officiellement à une Coupe d'Europe pour la saison prochaine aussi, et qui, la Fiorentina, s'est fait éliminer aux prolongations aussi jeudi face au Betis pour une place en finale de Conference League aussi. Oui, c'est une sale semaine. Semaine difficile, effectivement. Qui a deux défaites consécutives, hein, face à la Roma, et là ce week-end, donc c'est deux de trop pour aller chercher l'Europe probablement. Et tu l'as dit, effectivement, on en a pas parlé tout à l'heure de ces finales des autres coupes d'Europe, mais on aura une finale 100% anglaise en Ligue Europa entre Tottenham et Manchester United, et on en avait parlé, hein. C'est il y a quelques semaines, pour l'un des deux, c'est la meilleure occasion d'aller chercher une place en Ligue des Champions, en fait. Hein. On fait un petit aparté. Ça officialise, on l'a dit aussi, 6 clubs en anglais en CA l'année prochaine. Oui, pour le coup, oui. Effectivement. Oui, si, ça va faire beaucoup. Mais là, c'est une vraie balle de match pour l'un des deux pour aller chercher une Coupe d'Europe, équiper la Ligue des Champions. Le 11 mai ce sera quand déjà cette finale, je sais plus, on va c'est peut-être c'est pas le jeudi qui précède, peut-être bien, oui c'est ça, ouais. Et ou, puis non, parce que la conférence c'est le mercredi, attends, je sais plus, la conférence League c'est un mercredi, je crois. Si tu retrouves ça, ça m'intéresse. Ce sera ensuite pour l'autre match, le 21 mai, c'est ça, la finale de la Ligue Europa. Donc c'est mercredi prochain, ouais. Et c'est le 11 mai, la Conference League. Non, le 11 mai, c'était hier. Non. Donc voilà, le mercredi prochain, finale de la Ligue Europa. Et le 28, mercredi suivant, le 28 mai, Ligue Europa, voilà. Et donc le 31, la Ligue des Champions. Voilà, ça c'est elle sur deux semaines. Non, le 28 mai, c'est la Conference League. Oui, c'est ça, oui. Oui. C'est Ligue Europa, c'est pour ça. Conférence Europa League. Redis bien pour tout le monde, vas-y. Donc le 21, donc c'est mercredi prochain, hein, le 21 mai. La semaine prochaine, c'est la Ligue Europa. Voilà, c'est Tottenham-Manchester. Et puis le suivant, le mercredi sur le 28, finale de la Conférence League. Et là, on sera sur donc, du Betis, tu l'as dit, qui s'est qualifié aux prolongations face à la Fiorentina, et qui affrontera Chelsea. Qui a battu... Joe Gardens sur les deux matchs, d'ailleurs, en gagnant ces deux matchs. Donc ce sera le mercredi 28, et puis le 31, bien sûr, la finale des champions. Puis donc Chelsea qui va du coup ça va permettre de gagner peut-être un titre pour Chelsea cette saison. On verra ça, bien sûr. Que vous dire d'autre? Une place en Europa League potentiellement si qui ne se qualifie pas en C1 aussi, Chelsea, quoi. Ouais, enfin, ils se qualifieront en, de toute façon, en comment ça s'appelle, en Ligue Europa, quoi qu'il arrive, dans le championnat. Oh, ouais, ça dépend. Ça dépend, ouais, il faut vraiment, oui. Il reste deux matchs, hein. Enfin, ouais, après, oui, c'est... Ils sont bien partis en soi, ils sont bien placés, mais c'est très serré, hein, c'est dans ces places-là. Donc, sachant qu'il reste un match contre United en championnat et face à Forest aussi, donc Forest concurrent direct, hein, la Coupe d'Europe aussi. Ouais, bon, ah ouais, à suivre. En tout cas, ouais, tu l'as dit, l'Angleterre, 6 clubs en Ligue des Champions. Et puis, donc, du coup, on a aussi, on en parlait tout à l'heure, la cinquième place qualificative, c'est pour l'Espagne cette année, c'est pas pour l'Italie. Voilà, c'est l'Espagne qui en bénéficie puisque l'Espagne termine à la la deuxième place de la UEFA de la saison et l'Angleterre à la première. Voilà pourquoi l'Angleterre en a toujours cinq, hein, pratiquement tous les ans. Et cette année, c'est l'Espagne qui en a cinq. Voilà. Pour, être complètement, complet. Et puis je crois aussi que la finale 100% anglaise, il y a un pays qui en a bénéficié, j'essaie de retrouver l'info, mais qui a bénéficié d'une qualification directe et pas un barrage, je sais plus quel pays c'est, mais ça déclenche évidemment des choses pour d'autres nations moins fortes. On en reparlera. Voilà pour l'Italie, le classement. Pour revenir sur ça, donc là, Naples est à 78 points et l'Inter 77 points. Bergame 3ème 68 points, la Juve 64 comme la Lazio. La Roma pour l'instant 63, mais voilà, le match en cours. Bologne 62 7ème, le Milan 60 et puis en bas. Pour Monza c'est fini depuis un moment. Empoli 28 points, Lecce 28 points, Venise 29, voilà, tout ça c'est encore possible. Parme, Vérone, Cagliari, voilà, c'est pas sauvé encore complètement. Voilà, même si c'est bien engagé, c'est pas encore tout à fait fini. Et puis la semaine prochaine, donc avant-dernière journée, tous les matchs sont dimanche à 15h. Donc on l'a dit, on aura donc Aroma Milan, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. Ça c'est un match important. Ce sera donc voilà ce dimanche. Fiorentina Bologne, bon bah voilà, c'est pour Bologne, c'est surtout pour Bologne. Hein, la Fiorentina, ça on l'a dit, ça va être compliqué. Inter Lazio, oui, tu l'as dit tout à l'heure, ouais, ça c'est un match pour bah, des enjeux pour tout le monde dans ce match. Hein, donc et puis voilà globalement les gros enjeux de cette journée qui nous attend donc dimanche à 15h. Voilà pour l'Italie, l'Espagne maintenant. Bien sûr, on va revenir sur ce classico d'hier. Juste avant, bien sûr, on peut revenir sur la victoire de l'Atlético 4-0 qui a battu donc la Real Sociedad 4-0 avec un triplé de Sorloth. Bon bah il y a évidemment pour l'Atlético plus d'enjeux désormais, mais mine de rien ça fait quand même une belle victoire. Ça fait une belle victoire, une victoire très tranquille, hein, de l'Atlético avec ce 4-0. Qui a jamais été non plus très inquiété par, enfin même pas inquiété du tout par cette Real Sociedad là. Voilà, tu l'as dit qu'un quadruplé de Sorloth, alors déjà un triplé en 11 minutes, hein, 11 minutes seulement de jeu. Et ça fait déjà 3-0 et un triplé pour Sorloth et l'Atlético. Voilà, dû certes à son talent de finisseur, mais aussi à je trouve, la naïveté, la passivité et même la Pierre Richardise, si j'ose dire, de la défense basque, notamment sur le troisième but où il y a deux défenseurs qui se gênent entre eux dans la relance du ballon, et ça revient dans les pieds de l'attaquant norvégien qui a plus qu'à ajuster le gardien. Et voilà, ça fait déjà 3-0 donc en 11 minutes, on l'a dit. Et puis voilà, ce quadruplé pour lui à la demi-heure de jeu aussi, hein, c'est quand même très tôt, c'est dans ce match. Et finalement, alors ça fait 4 buts, mais c'est pas bien, mais c'est seulement entre guillemets son 17e but de la saison pour lui, toute compétition confondue. Donc en 40 matchs. Je précise. Alors c'est bien, il n'y a pas de problème, hein. C'est déjà un très beau standard. Et voilà, quand on voit un joueur qui est capable de marquer un quadruplé comme ça aussi, alors certes, c'est une équipe relativement faible, mais on peut dire que ça peut être un gros buteur qui peut marquer peut-être un but par an, mais c'était seulement son 17e but, il était qu'à 13 avant ce match-là. Mais voilà, pas grand-chose de plus à dire encore une fois, tant il n'y avait pas vraiment d'adversité en face. Voilà, l'Atlético est maintenant définitivement assuré officiellement de la C1 bien sûr et quasiment de sa troisième place et pourrait même pourquoi pas encore rêver d'une symbolique deuxième place si jamais le Real n'assure pas sa fin de saison. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est toujours possible en tout cas pour eux, mais une très belle victoire pour cet Atlético là. Très bien. Et puis, bah, évidemment, hier soir, enfin, hier après-midi, la victoire dans le Classico du Barça qui, désormais, fait un grand pas vers le titre. C'est un match assez fou quand même. Ah oui, c'est dingue, c'est classico de fou. Je sais pas si certains l'ont nommé classico du siècle, à tort ou je sais pas trop, mais en tout cas c'est sûr qu'il est peut-être pour moi dans le top 3 de ces classicos du 21e siècle. Parce que non seulement de par le score, mais vraiment la physionomie du match est juste énorme, des actions tout le temps. Enfin voilà, tu essaies de refaire un petit peu. Chronologiquement, c'est pas simple parce qu'il y a eu tellement de choses, mais voilà, en tout cas, quatrième classico de la saison, quatrième victoire pour le Barça. Ça, c'est pour le coup assez rare pour le signer. Déjà qu'il y a autant de classicos dans une saison, mais en plus avec quatre fois le même vainqueur, on voit vraiment la supériorité de l'équipe catalane. Voilà, alors même malgré les deux buts de Mbappé tôt dans le match, j'ai trouvé qu'on sentait quand même déjà le Barça supérieur techniquement et tactiquement, comme on avait pu voir lors des trois premiers rounds cette saison, mais. Voilà la défense du Real qui pour moi enfin elle est catastrophique, elle a flanché assez rapidement, elle a pas attendu très longtemps pour craquer comme à son habitude. Voilà, tant elle est je te dis friable, mais au-delà de friable, c'est je trouve ça relativement faible, hein, vraiment cette défense du Real est vraiment un gros chantier à faire cet été pour eux, notamment là-dessus, mais surtout là-dessus je pense quand même, parce que c'est voilà, Tchouaméni en défense centrale, c'est pour moi c'est plus possible, il remonte vraiment d'un cran. Même si voilà, il dit pas rien, il y a tellement de blessés, d'absents que t'es obligé de bricoler comme ça, comme tu peux. Asensio, c'est pareil, lui qui est sorti un petit peu en début de saison de nulle part avec tous les blessés qu'il y avait. Alors il est bien gentil avec sa grinta, son amour peut-être du maillot, mais à un moment c'est ou alors faut vraiment bosser, mais c'est pas possible. Et même sur les côtés, Franck Garcia, Lucas Vázquez, bah c'est. Enfin non, il y a vraiment un gros chantier en défense pour le Real Madrid. Et donc ce Real là qui voilà, malgré le but de Mbappé, je l'ai dit tôt dans le match, hein, 5e minute penalty et 14e minute doublé pour Mbappé, mais Eric Garcia 5 minutes plus tard va marquer le 2-1. Et ensuite les individualités vont continuer et cette fois-ci frapper côté Barça avec les buts de Yamal et de Rafinha respectivement à la 32e et à la 34e minute de jeu. Donc ça fait déjà 3-2 pour le Barça qui fait à nouveau une petite remontada après celle contre l'Inter malgré l'élimination mardi dernier. Voilà, mais Yamal et Rafinha qui ont notamment été énormes aussi sur ce match-là, enfin, comme d'autres. Globalement, le Barça fait un gros match, Ferran Torres qui marque un triplé de passes décisives, ça fait un énorme match aussi. Rafinha qui marquera justement la 45e minute de jeu, ça fait déjà 4-2 pour le Barça. Et puis Mbappé qui va venir marquer ce triplé aussi pour le Real. Alors voilà. Peut-être à titre personnel qui lui permet d'avoir peut-être un peu le sourire, de marquer 3 buts et de repasser devant Lewandowski aussi au classement des buteurs avec 2 unités d'avance, hein, 27 contre 25 si je ne me trompe pas. Donc il y a Mbappé qui peut aussi encore rêver de souliers d'or, hein, du coup, hein, le meilleur buteur européen de la saison, il peut encore rêver, il y a encore 2 matchs et ce triplé lui fait vraiment du bien. Ouais, j'ai trouvé très en jambes dans ce match-là, quand il a aussi marqué des buts en étant hors jeu, hein, un ou deux, je crois, qui a été refusé. Alors, voilà, je voulais justement parler un peu de l'arbitrage aussi dans ce match-là qui. Était assez discutable encore une fois, hein. C'est pas la première fois en Espagne cette saison et même sur les dernières années. Déjà à 3-2 et juste avant la pause, un nouveau penalty avait été sifflé pour le Real pour une faute de De Jong sur Mbappé justement. Au final, la VAR va l'annuler pour un hors-jeu. Alors, en réalité, sur la faute, Mbappé, il n'y a pas faute en fait. Mbappé, ça se voit clairement, simule. Il est quasiment pas touché par De Jong. Mais la VAR va refuser ce penalty pour hors-jeu, comme si ça l'arrangeait bien. Mais quand on regarde vraiment la vérification à la vidéo, ben, il n'y a pas du tout hors-jeu. Donc, alors, je sais pas si ça a arrangé. Et vraiment, on peut regarder. Hein, l'épaule est légèrement, je sais plus c'est quel défenseur du Barça, mais légèrement devant l'attaquant. Donc, il y a vraiment zéro hors-jeu. Mais en tout cas, ce penalty n'a pas été sifflé pour ça. Pareil, penalty non sifflé, même en étant vérifié par la VAR pour le Barça, vers la 80e, alors qu'une main de Tchouaméni était évidente sur une frappe de Ferran Torres. Alors après avoir aussi selon la règle, alors faut aller revérifier, mais c'est bien ce que j'ai lu normalement, mais la règle de la frappe à moins d'un mètre du but, parce que c'est une frappe à quasiment moins d'un mètre du but, où justement le fait que si le défenseur touche du bras, il a pas dans la règle il n'a pas le temps de retirer son bras en fait, parce qu'il est à moins d'un mètre du but sur la frappe, donc c'est pour ça que l'arbitre n'aurait pas sifflé penalty là-dessus, alors que voilà, le ballon allait vers le but, Tchouaméni a son bras sur le chemin, normalement c'est penalty, c'est annulation de but. Mais en tout cas l'arbitre finalement après la VAR ne va pas siffler ce penalty là. Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Après sur le match, c'était un peu pêle-mêle, il y a eu tellement de choses dans ce match, c'est compliqué, en plus le lendemain, de refaire un petit peu tout ça à froid. Mais voilà, au-delà de la supériorité du Barça, de la friabilité de la défense madrilène, ce qu'il faut vraiment retenir de ce match, en tout cas, c'est qu'il a été bien sûr très ouvert, que toutes les actions qu'il y a eu dans ce match, entre les pénaltys non sifflés ou annulés, les buts hors-jeu, comme je l'ai dit, de Mbappé, juste avant la pause, alors qu'il y avait déjà 4-2, celui de Yamal aussi, en début de seconde période, qui a été refusé, qui aurait pu marquer le cinquième but catalan, si la finale, justement, n'avait pas été sifflée hors-jeu. Un autre but de Mbappé refusé hors-jeu aussi à la 90+2 sur un corner. Le but de Fermín López, pour le 5-3, annulé aussi à la 90+7 pour une main du joueur un peu plus tôt dans l'action. Alors ça aussi, c'est une main, il peut pas l'éviter, le ballon de la main, mais du coup l'arbitre va refuser ce but pour ça. Très discutable aussi, mais qui a pas en sifflé un sur une main de Tchouaméni aussi. Ah mais là, c'est pas du tout la même situation quoi. Tchouaméni c'est sur penalty avec la règle du 1 mètre, on va dire ça comme j'expliquais juste avant. Mais là sifflé là, ça pourquoi pas, après je veux bien. Enfin, le ballon est pas en direction du but quand même. Sur la main de Lopez. De Tchouaméni. Bah là-bas, le ballon il est dans le but s'il la touche pas. Oui c'est ça, donc c'est pour ça là, c'est une erreur. Donc, ça siffle. Ah oui c'est ça que je te dis. Ouais. Ah, voilà, oui. Après donc je disais selon la règle, alors, encore une fois à revérifier ou à relire, mais la règle du mètre entre la frappe et le but. La loi dit que le défenseur dans tous les cas n'a pas le temps de retirer sa main, donc il n'y a pas pénalty. Alors voilà, si c'est le cas, il n'a plus que le règlement, en quel cas c'est pas très moral, mais bon, admettons. Mais pareil, sur la main de Lopez, où il est au bord de la ligne de touche, il touche le ballon contreusement de la main, et après il fait l'action tout seul, je veux dire, il était 2-3 joueurs, il va marquer son but. Moi, voilà, je trouve pas ça vraiment sport retirer ce but quoi aussi. Bon bref, voilà, énorme match, une régalade pas possible, puis surtout 9 points sur le titre, 9 doigts n'importe quoi, 9 doigts justement sur le titre pour le Barça, et un quasi adieu pour le Real maintenant, forcément. Donc voilà, un pas de plus aussi vers le trophée de Pichichi, de meilleur buteur du championnat pour Mbappé, je l'ai dit, avec ce triplé là, donc voilà, un gros match, un gros classico. Il fallait être devant le match là, ce dimanche. Eh oui, il fallait être devant le match, oui. Ouais, eh oui. On a tout ça, bien sûr. N'est-ce pas? ça garantit pratiquement le titre maintenant pour le Barça, hein, évidemment. Le Real qui terminera la saison probablement sans rien. Saison blanche. Très bien, le classement. Donc, du coup, ça donne 7 points d'avance pour le Barça, 82 pour 75, l'Atlético 70, le Bilbao 64. Villarreal donc pour l'instant qualifié pour la Ligue des Champions, hein, avec 61 points. Et puis Betis Séville va se battre pour cette cinquième place. 3 points de retard pour l'instant. Mais ça donne encore beaucoup d'enjeux pour cette cinquième place jusqu'à la fin de cette saison. Et puis on aura 6e, 7e place qualificative pour la Ligue Europa. Puisque on rappelle, hein, comme le Barça a gagné la finale de la Coupe du Roi, ça donne une place supplémentaire au classement. Donc le 7e aussi va se qualifier, et puis le 8e va se qualifier pour la Conférence League. Donc quand même 8 qualifiés en Espagne pour les Coupes d'Europe, hein, c'est énorme cette saison. Betis 6e, Celta Vigo 7e et Rayo Vallecano 8e pour l'instant se qualifie. Mais il y a de l'enjeu encore pour la 7e et la 8e place pour les 3 dernières journées. Donc tout le monde, jusqu'à la Real Sociedad qui est 12e, peut encore se qualifier, hein, finalement pour la pour une Coupe d'Europe. Hein. C'est assez fou de se dire ça, mais le 12e peut encore se qualifier pour une Coupe d'Europe. Hein. Rien n'est fait puisqu'il reste 3 journées, hein, en Espagne. Et puis en bas, donc Valladolid, c'est fini depuis un petit moment. Las Palmas, Leganés, Alavés, rien n'est fait. Même pour Séville et Gérone, rien n'est sauvé. Attention, Gérone, qui est pas bien du tout dans ces dernières journées. Il reste 3 journées, donc 2 journées cette semaine. Demain, les 3 matchs. Mercredi, 3 matchs également. Le Real reçoit Mallorca notamment. Et puis jeudi, 4 matchs avec déplacement de Barcelone à l'Espagnol Barcelone, justement. Et puis l'Atlético à Osasuna, voilà pour les matchs de ce milieu de semaine. Et puis dimanche, avant dernière journée, un multiplex à 18h tous les matchs, donc Barcelone Villarreal, Séville Real, et puis Atlético Betis Séville, voilà notamment les matchs qui auront lieu dimanche, voilà pour l'Espagne. Et enfin l'Angleterre, pour finir, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on n'est pas du tout en avance. Avec la 36e journée, c'était samedi et hier. Bah, très rapidement, on peut parler de ce résultat de City à Southampton. Très mauvais résultat pour City qui perd deux points très précieux pour le, bien sûr pour la Ligue des Champions, face à Southampton déjà relégué. Hein. C'est vraiment un très mauvais résultat. C'est ça, ils ont mis du temps dans ce match-là. 26 tirs, 5 cadrés pour eux, c'est beaucoup trop peu, bien sûr. Et donc 0 but, 0-0 bien sûr dans ce match-là. City a eu le ballon tout au long du match. Je l'ai dit, 26 tirs à 2 hein, quand même entre Southampton déjà relégué et puis c'est des Citizens. Effectivement, bah oui, très mauvais résultat pour eux, mais c'est à l'image de leur seconde partie de saison de toute façon où ils enchaînent parfois les coups d'éclat où ils vont revenir un petit peu à un très bon niveau et claquer un petit score et puis ensuite enchaîner 2-3-4 matchs où ils sont en dedans et comme sur ce match-là où face à une équipe déjà reléguée où ils vont surdominer ce match, ils vont pas réussir à marquer un seul but et vont faire preuve de maladresse totalement dans ce match. Et alors voilà, ils restent quatrième, ils restent bien placés en soi pour la Ligue des Champions, mais ils auraient pu prendre une avance un peu plus considérable et monter pourquoi pas sur le podium. En battant Southampton, ils auraient pu être troisième du coup à la place de Newcastle. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, ouais, il reste deux matchs pour eux pour assurer cette qualification pour la C1. Va falloir le faire. Hein. Ça va pas être simple non plus quand on voit justement sur ce match-là comment ils ont galéré. Maintenant, c'est deux adversaires qui sont quand même relativement prenables hein, en championnat, Bournemouth et Fulham, sachant qu'entre temps, là le 17 mai ce week-end, il y aura la finale de la coupe face à Crystal Palace. Oui, tout à fait. Ici à jouer. Hein. Donc, derrière, ça prend toujours un match dans les jambes parce que trois jours après, il y aura la 37e journée en pleine semaine contre Bournemouth aussi. Donc voilà, rien n'est fait pour eux, mais ils ont encore leur destin entre leurs mains, mais effectivement c'est du point de vue bien sûr de la physionomie du match et bien sûr de l'équipe Kansas City quand même, ça reste deux points perdus avec ce 0-0. Exactement, deux points importants. Et on a ensuite donc hier, Chelsea tiens, qui perd 2-0 à Newcastle. Bon, on peut imaginer que c'était compliqué d'enchaîner. Voilà, après la victoire à la qualification en Coupe d'Europe d'enchaîner face à Newcastle qui est pour le coup un adversaire très bien placé aussi hein. Exactement, ouais, bah, un très bon résultat pour Newcastle du coup hein. C'est victoire 2-0 avant justement un déplacement à Arsenal lors de la 36e journée sachant que Newcastle est maintenant plus qu'à 2 points d'Arsenal devant ouais. Donc c'est la course pour la deuxième place et donc pour Newcastle officialiser potentiellement sa place en Ligue des Champions, ce qui est quasiment fait du coup en tous les cas mais contrairement à Chelsea hein, qui tu l'as dit avec cette défaite reste à 63 points, égalité de points avec les Villans qui sont 6e donc effectivement pour Chelsea là c'est on va vouloir faire les deux derniers matchs parfaits effectivement tu l'as dit, il y a eu cette demi-finale pardon de Conférence League dans les pattes, même s'ils font relativement tourner à chaque fois dans cette compétition-là, qui n'est pas du tout une priorité pour eux, mais qui ils se baladent vraiment dans cette compétition-là. Et je l'ai dit, la 37e journée, c'est United pour eux. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, Forest, concurrent direct potentiellement à la 38e journée. Alors, on ne sait pas où on en sera d'ici là, mais voilà. Donc, c'est pas non plus une fin de calendrier simple hein, pour Chelsea. Donc, effectivement, cette défaite pardon, à Newcastle, elle fait mal. Mais il y a aussi eu ce carton rouge à la 36e hein, de Nicolas Jackson qui forcément a pesé dans la balance hein, pour Chelsea. Ils ont joué une grosse partie du match à 10 contre 11. Donc voilà, mais effectivement, c'est très mauvais résultat pour Chelsea. Voilà, que c'est cette fin de calendrier qui n'est pas simple du tout. Tout à fait, pour Chelsea, ouais, qui va avoir beaucoup de matchs encore à jouer. Match de Forest. Alors, ça fait un petit moment que les résultats sont moins bons pour Forest, hein. C'est vrai qu'ils étaient deuxième très longtemps, troisième, et là, ils sont septième. Donc, pour l'instant, pas forcément qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc, le 2 partout. Mauvais résultat, hein, face à Leicester. Déjà relégué depuis un moment, hein. Voilà, cette équipe. Donc, c'est vrai que c'est un résultat qui... Ouais, ils sont sur 3 matchs en victoire, hein, Forest, hein. Et ouais, donc c'est voilà. Et contre des équipes prenables, hein. Ouais, Leicester là, tu l'as dit, Palace juste avant, et puis Brentford juste avant aussi. Donc ouais. Là, c'est vrai qu'ils ont perdu des points entre guillemets, alors du point de vue de leur saison, je veux dire, et de leur niveau qu'ils ont montré jusque-là, c'était des points à aller chercher. Et ils ont vraiment pas fait le job du tout là. Donc c'est vrai que là, ça fait vraiment très très mal. Ces trois matchs en victoire, ouais. Ils font très très mal. Mais ouais, du coup, pour l'instant, ils sont plus bonne position. Après, donc, défaite de Tottenham face à Crystal Palace et de United face à West Ham, là aussi, un des matchs de Coupe d'Europe dans la semaine. Pour ces deux équipes qui pour le coup jouent plus le classement de championnat, donc assez logique aussi, hein, voilà, ils resteront probablement à ces places là 16-17e, c'est quand même c'est fou de dire ça, hein. Ils sont c'est juste au dessus bon, la relégation est très loin, hein, ils ont beaucoup d'avance, mais c'est quand même dingue de se dire 16-17e, hein. Des clubs comme ça, c'est triste, mais voilà, évidemment l'essentiel est ailleurs pour eux, c'est d'aller chercher cette coupe, cette finale de Ligue Europa et cette qualification qui sera importante pour eux. Oui, c'est dingue de voir ces deux clubs-là, je veux dire, ces deux gros de Première Ligue à ce niveau-là, 16e, 17e, mais en plus de les voir, voilà, peiner en championnat depuis toute la saison, et ces deux-là, effectivement, se retrouvent en finale de Ligue Europa. Oui, c'est dingue, en fait, de dire ça. Ouais. Ils ont vraiment le même chemin, quoi, la même saison, quoi, à peu près. Ça, c'est ouf. Ouais. Et puis, enfin, Liverpool hier qui... tenu en échec Arsenal 2-2. Voilà, pas d'enjeu pour Liverpool. Pour Arsenal, un peu plus, même si bon, le top 5 est normalement plutôt assuré, même si c'est pas encore fait mathématiquement, mais assez, voilà, c'est quand même bien avancé. Donc, de partout, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? Oh. Voilà, ouais, merci. Oui, Liverpool avait plus de. Évidemment plus d'enjeux, ils ont quand même marqué deux buts coup sur coup en première période à la 20e ou la 22e de Gakpo et de Diaz. Arsenal ensuite a réagi après la pause. Martinelli a vite marqué à la 47e. Ils ont un peu plus poussé Arsenal. Après, Liverpool a cru aussi gagner juste avant la fin du match. Il y avait déjà 2-2 bien sûr dans ce match. À la 95e, Robertson va marquer, mais au final le but va être refusé pour une faute de Konaté quelques temps avant. Mais Arsenal qui a su tenir après son égalisation à la 70e et puis carton rouge de Merino après deux cartons jaunes à la 79e. Ils ont su tenir sur les derniers instants du match, malgré ce but refusé pour Liverpool du coup, mais voilà, donc oui, Liverpool évidemment pas d'enjeu. Arsenal, bon, on le disait tout à l'heure, joue sa deuxième place et peut-être sa troisième aussi, mais voilà. Bon, pas grand chose de plus à dire, mais il y a un peu plus d'enjeux pour Arsenal quand même forcément sur ce match-là, mais ils ont sûrement perdu aussi des plumes forcément contre le PSG mercredi dernier. Oui, assez logiquement, oui, je pense aussi. En tout cas, voilà, il restera deux matchs encore à jouer pour clôturer cette saison. Donc le classement, donc Liverpool 83 points, Arsenal 68, Newcastle 3ème 66, après c'est serré, hein, City 65, Chelsea 63, Villa également qui revient dans le coup, hein, avec on en a pas parlé, hein, mais Villa qui jouait samedi soir, qui a gagné à Bournemouth, donc qui revient dans le coup, hein, à 6ème place. Forest 62, puis après voilà, le gouffre il est là avec Brentford 55, Brighton 55. Alors attention, pour l'instant ces équipes là on dit qu'elles sont hors jeu, mais elles risquent de bénéficier de places qualificatives qui vont être données après, hein, puisque voilà, Newcastle a remporté la finale de la Coupe de la Ligue, hein, il y a quelques semaines face à Liverpool. Donc pour l'instant, ils sont troisième, donc ils risquent de se qualifier directement pour une compétition. Donc ça pourrait libérer une place aussi. On rappelle que c'est la Conference League, hein, pour le vainqueur de la League Cup, donc ça pourrait faire retomber une place aussi. Et puis, on l'a dit, il y a Crystal Palace City. Crystal Palace, c'est leur meilleure chance évidemment de se qualifier puisqu'ils sont douzième. Ben, si City s'impose, ça va relibérer une place aussi pour la Ligue Europa. Donc ces équipes-là qui sont pour l'instant 8, 9 et 10e, bah, il faut jouer le coup encore à fond, puisque ça va forcément normalement bénéficier au moins pour une des places, hein. Puisque pour le moment, les qualifiés, ce sont les 6 premiers. Donc ça pourrait en amener 7, voire 8. Donc il faut vraiment jouer le coup à fond pour ces équipes-là. On suivra en tout cas tout ça. Et puis, on l'a dit ensuite tout en bas, c'est fini depuis longtemps pour Ipswich, Leicester, Southampton. Alors c'est vrai que c'est fou de... C'est vrai que quand on voit les écarts entre le 17e et le 18e, c'est quand même énorme le gouffre qu'il y a entre ces deux-là. Enfin, c'est incroyable, hein, d'avoir autant d'écarts. Et c'est fini depuis longtemps. Et puis Southampton, ne partagera pas le record de 11 points, puisqu'ils ont pris un point ce week-end, du coup. Face à. Contre City, du coup. Donc, ils vont sauver ce record-là. Voilà, en tout cas, pour cette journée. 37e journée, donc dimanche c'est 16h tous les matchs. Voilà, est-ce qu'on peut en retirer des matchs? Il n'y a pas de grosse confrontation directe. Non, même pas, j'allais dire celui-là, mais non. Arsenal-Newcastle Arsenal-Newcastle, oui, pour la deuxième place, effectivement. Bien sûr. Mais c'est tout, ouais. C'est tout, c'est tout. Après, voilà, Villa-Tottenham. Alors, Tottenham, oui, il est 17ème. Ouais. Mais Villa, quand même, dans la course à l'Europe, toujours, ouais. Après, moi, j'ai envie de le dire quand même, Chelsea United, une rencontre historique, quoi. Forcément, cette saison, ça donne beaucoup moins envie, mais ouais, Chelsea United, quand même, au cas où, pour les amoureux du foot anglais, quoi. Mais ouais, globalement, il n'y a que ça, ouais. Ouais, City, tu l'as dit, en danger face à Bournemouth, il faudra gagner. Puis Forest, il faudra encore ses dernières chances face à West Ham. Et puis, ça, ce sera donc dimanche, mais samedi après-midi, on l'a dit, Crystal Palace City. Voilà, donc City jouera pas dimanche, du coup, hein. C'est pas à jour, mais ni d'ailleurs Crystal Palace ne jouera pas non plus dimanche, puisque forcément il joue la veille, donc ça sera pas possible. Donc voilà, ça sera un premier enjeu pour City d'aller chercher un titre, et pour Crystal Palace c'est la chance pour aller se qualifier pour une Coupe d'Europe. Donc samedi 17h30. Et le lendemain, donc cette avant-dernière journée de Première Ligue. Voilà pour notre Tour d'Europe. Il est 22h13, un partout, c'est le score toujours entre Atalanta, Bergame et la Roma. Et il reste encore 20 minutes, un peu plus d'un minute. Donc tout semble encore possible dans cette rencontre. On va passer du côté de la Ligue 1, voilà, pour finir notre Tour d'Europe. Et puis juste avant, donc les résultats en national, en Ligue 2, rapidement, en national. Donc c'est fait, donc pour donc là il reste une journée encore, ce sera ce week-end. C'est fait pour Nancy, donc vainqueur dans un gros match de Valenciennes 4-3, donc va remonter. Ça fait, voilà, c'était déjà fait, hein, mais officiel, assez officiel. Le Mans aussi va remonter, voilà, grâce malgré sa défaite, pardon, face à Concarneau, mais voilà, c'est fait aussi. Puis Boulogne-sur-Mer sera barragiste ou deuxième, bah, ça va se jouer sur la dernière journée, hein, cette rencontre qui va se, on en parlera, mais en tout cas. Pour Dijon, c'est fini. Pour Aubagne, c'est fini. Le Mans et Boulogne vont se battre pour cette ultime place. Et puis l'autre jouera le barrage. Ce sera ce week-end. Donc on l'a dit, pour Le Mans, ce sera le temps de trouver le match. Versailles au rendez-vous. Et pour Boulogne-sur-Mer, réception de Châteauroux. Donc c'est vendredi à 19h30. Pour savoir qui sera deuxième, qui sera troisième. Alors c'est très serré en plus, puisque Le Mans et Boulogne ont en plus 12 de différence de but, et ce qui départage ces deux là c'est le nombre de buts marqués. Le Mans a 46 buts marqués et Boulogne 45 buts marqués, donc ça se joue à un but près. Donc voilà, c'est vraiment d'enjeu, c'est celui qui gagnera par le plus gros écart vendredi, hein. C'est très très rare, et voilà, ça risque de se jouer à un but, donc le moindre but sera important ce vendredi. Évidemment, ça va scruter l'autre match de l'autre côté à chaque fois pour savoir ce qui se passe, mais ça sera un grand enjeu. En tout cas, Boulogne, avec sa défaite, a perdu gros ce week-end. Voilà pour la dernière journée, puis Orléans recevra Nîmes pour clôturer la saison, pour l'instant à la 8e place. En Ligue 2, et là aussi, il va rester une dernière journée, donc on connaît là aussi des remontées. C'est fait pour Lorient, c'est fait aussi pour le Paris FC, voilà, qui va retrouver l'élite, hein. Ça nous fera un beau derby, hein, entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC l'année prochaine. Ça c'est l'enjeu de l'année prochaine. Metz donc termine troisième et sera donc l'équipe qui sera en pré-barrage, et puis Dunkerque quatrième et Guingamp cinquième se rencontreront pour affronter justement Metz, qui ensuite le vainqueur rencontrera le 16e de Ligue 1, quoi. Ça va démarrer très très vite ces barrages, puisque on aura donc dès cette semaine le premier match, le temps de retrouver ça, je vous dis ça dans un instant, mais en tout cas il y aura le premier match cette semaine, ça va vite arriver, hein, puisque ça va s'enchaîner très très rapidement ensuite. Je vous en parle dans un instant, mais la Ligue 1 tout de suite. Avec la 33e journée, bah, beaucoup d'enjeux, bien sûr, sur cette journée, voilà, pour les Coupes d'Europe. Alors, les enseignements, c'est que, bah, on en connaît les qualifiés pour la Ligue des Champions directe. L'Olympique de Marseille et Monaco. On va en parler avec les victoires. Et puis tous les autres devront encore attendre cette dernière journée. Tout le monde a craqué derrière, on en parle avec ce débrief. Démarrons très rapidement. Victoire de Paris à Montpellier, en deux mots. C'est victoire 4-1, où il y avait peu d'enjeux. Oui, deux mots, très logique. Merci. Voilà. On continue. Oui, de toute façon, il y a zéro enjeu, Montpellier, bien sûr. Lanterne Rouge est déjà relégué, PSG est déjà champion. Triplé de Ramos, quand même, peut-être, à souligner. Oui, on peut en parler. Bonne chose pour le PSG, pour lui aussi, peut-être. Sur cette fin de saison, ça peut tout. Il ne faut pas faire du bien, mais voilà, après. Bon, Montpellier a marqué un but, quand même, à ce PSG, ça, on peut le souligner aussi. Que dire de plus, hein. Voilà, c'est une affiche extrêmement déséquilibrée. Le PSG qui a fait tourner, bien sûr, sur ce match-là. Quand Guilherme est titulaire, les jeunes Mayoulou et Mbaye titulaires, tapé, je sais pas comment on dit. Le jeune défenseur français, Axel Tapé, je sais pas comment on dit. Le troisième gardien était titulaire, Arnaud Tenas, voilà. Bon, même en temps tourné comme ça, le PSG est largement supérieur à cette équipe montpelliéraine qui, décidément, n'en finit pas avec cette saison catastrophe. Oui, jusqu'au bout. On va continuer avec les équipes de bas de tableau. Saint-Etienne qui a gagné à Reims 2-0 et qui se donne encore des espoirs avant la dernière journée. Victoire 2-0. Très bonne performance des Verts. Je le voyais comme ça, franchement, sur ce match. Je le dis souvent ici, ça fait plusieurs semaines que effectivement l'équipe de Saint-Etienne a beaucoup de limites, hein, ça c'est sûr, talentueusement, techniquement, ça c'est une certitude bien sûr. Cette abnégation, cette envie qu'ils ont, ce caractère qu'ils ont, qu'ils montrent même dans les défaites, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs matchs, j'aime beaucoup. Et sur un match comme ça, avec beaucoup d'enjeux, forcément, dans la dernière ligne droite, face à un adversaire direct au maintien, ils ont su montrer un très beau visage et cette victoire est totalement logique, elle était déjà faite à la pause. Reims a très peu existé dans ce match. Saint-Etienne a été très costaud défensivement aussi, même si Reims n'a pas montré énormément de choses, mais a tiré beaucoup de fois au but, hein, 19 tirs quand même, hein, Reims, par rapport à Saint-Etienne, qui a seulement tiré 9 fois. Un Reims pas réaliste du tout et un Saint-Etienne très sérieux, encore une fois, et qui se relance dans la course, bien sûr, à la place de barragiste. Exactement. Rien n'est fait encore pour cette équipe de Saint-Etienne. On avait Auxerre-Nantes, l'un des deux matchs nuls. Pour Auxerre, il n'y avait pas d'enjeu. Pour Nantes, évidemment, il y en avait un peu plus. Match nul un partout. Pour Nantes, c'est quand même un point important avant d'aborder la dernière journée. Exactement. Nantes qui il fallait prendre des points, alors au moins un, ça c'est sûr. Toujours dans l'optique de ce maintien, évidemment. Première période largement en faveur des Auxerrois. Moi, c'est ce que je voyais. On fera un point bien sûr sur les pronos après, mais moi, je voyais quand même, malgré l'enjeu nantais, mais contrairement à Auxerre qui n'a plus rien à jouer, mais je voyais Auxerre s'imposer. Et je pensais relativement se balader dans ce match. J'avais raison durant cette première période, avec notamment un but de Perrin aussi à la 45e. Mais Nantes a montré un autre visage, franchement, et bien revenu en seconde période, au retour des vestiaires, et a pu égaliser juste après l'heure de jeu grâce à Leroux, ça fait un partout. Mais malheureusement, n'a pas pu accrocher les 3 points en fin de match. Auxerre aura été résistant jusqu'au bout, mais ça reste un bon point de prix pour Nantes. Mais voilà, donc que 2 points aujourd'hui d'avance sur le barragiste Havre. Donc ils vont trembler jusqu'au bout et jusqu'à cette dernière journée qui arrive ce week-end. Donc c'est pas un mauvais résultat pour eux, mais ça aurait pu être mieux au vu de leur quand même bonne seconde période à Auxerre. But à Bergam, c'est l'Atalanta qui reprend l'avantage 2-1. But de Souleymana à l'instant. Donc l'Atalanta qui reprend c'est 3 points importants pour la 3e place, hein, qui serait avec cette victoire pas assurée, mais en tout cas qui serait pratiquement assurée d'être 3e. Donc c'est un succès pour l'instant qui vaut beaucoup, qui se profile pour la Roma. Ce serait en tout cas une fin de série. On n'en est pas là, mais il reste encore 10 minutes. On va suivre ça un peu plus avec le temps additionnel. Toulouse lance très rapidement, il n'y avait pas d'enjeu dans ce match, un partout, donc ce qui peut être assez logique finalement, ce match nul. Oui, exactement, un match ouvert, en tout cas très animé entre ces deux équipes-là qui n'avaient quasiment pas rien à jouer. Voilà, un beau match assez agressif entre les deux quand même. Il y avait pas mal de cartons jaunes, notamment côté Lensois, il y en a eu 5 et 2 côté Toulousain. Mais voilà, un match relativement équitable, même si Lens a eu le ballon, mais globalement dans la dangerosité, dans les animations offensives, ça a été plutôt équitable. Pas énormément d'occasions non plus, mais un match voilà, plus ou moins plaisant entre deux équipes qui n'ont plus rien à jouer spécialement. Donc voilà. Merci. Oui, en même temps, pas d'enjeu, donc très logique. Attaquons les équipes maintenant pour l'Europe. On avait donc Angers, Strasbourg, voilà, qui restait sur une belle série, fin de série et au pire des moments, cette équipe d'Angers, pardon. Qui enchaîne une deuxième victoire et qui se sauve du coup officiellement, donc coup double pour Angers et pour Strasbourg c'est pas le moment de flancher malheureusement. Non mais ouais, il faut partir de ces 3-4 équipes qui ont flanché justement dans la course à l'Europe ce week-end, on va parler de la suite après, mais effectivement Strasbourg qui a souffert notamment de l'absence d'Emega hein, quand même devant, Emega qui on le voit encore toute cette saison, mais notamment sur les derniers matchs qui a été très important, très efficace et souvent buteur. Donc là il a vraiment manqué hein, aux Strasbourgeois et pourtant Strasbourg qui a bien sûr largement dominé ce match hein, 72-28 de possession, c'est 15 tirs à 5 seulement, mais Angers a été un peu à l'image de Dortmund tout à l'heure, alors à moindre échelle, mais Angers qui a été très efficace en contre dans les transitions et a marqué voilà, 2 buts hein, grâce à un doublé d'Esteban Lepol, l'attaquant français de 25 ans à la 15e et à la 48e, alors que Strasbourg avait égalisé juste avant la pause grâce à Bakwa quand même. Mais Strasbourg, ouais, bah là, qui perd 3 points précieux, alors, ça, c'est quand même un résultat où on pouvait vraiment pas s'y attendre. Strasbourg qui est vraiment dans une forme excellente depuis quelques mois, jusqu'à venir titiller, bien sûr, les places européennes, presque Ligue des Champions aussi. Voilà, ça, c'est vraiment 3 points de perdu pour eux, encore une fois, du point de vue de la physionomie du match. Où Angers, comme je l'ai dit, a été efficace seulement sur ses contres et a été très réaliste. Et c'est vrai que Strasbourg, là, ouais, cette défaite peut faire beaucoup de mal peut-être sur la dernière journée ce week-end. Autre équipe qui a perdu gros, c'est Lille qui se déplaçait à Brest pour une équipe qui n'avait plus rien à jouer. Défaite 2-0. Voilà, Lille n'a pas vraiment fait le match, le match qu'il fallait. Ils perdent 2-0 et du coup, il reste un petit peu, on en parlera des autres, mais dans ces équipes qui vont tout jouer sur la dernière journée. Ouais, même cas de figure un petit peu que Strasbourg, alors pas au niveau de la domination non plus, mais voilà, manque de réalisme, manque de lucidité aussi devant pour les Lillois, contrairement à Brest, tu l'as dit, qui n'a pourtant plus rien à jouer dans ce championnat-là. Mais Brest, voilà, tranquillement fait son match pour terminer sa saison tranquillement, avec notamment un but d'Ajorque à la 41e et de Doumbia à la 64e. Mais ouais, Lille, là, qui, pareil, un peu, peut-être en mordre les doigts, notamment pour la course à la Ligue des Champions aussi. On sait que Lille a quand même beaucoup d'ambition et s'est relativement installé depuis quelques saisons maintenant en Ligue des Champions. Donc, attention, effectivement, c'est des matchs comme ça, finalement, qui semblaient peut-être écrits face à des équipes, justement, on le disait, comme Strasbourg, Angers avait quand même de l'enjeu encore avec le maintien. Mais là, Lille, avec Brest, on pouvait se dire que c'était quasiment fait, mais non, au final, voilà, ils ont quand même tiré pas mal de fois au but, hein, 18 fois les Lillois, mais ça n'a vraiment pas suffi, parce que c'est seulement deux tirs cadrés, c'est évidemment bien trop peu à ce niveau-là, et quand t'espères une place en Ligue des Champions. Donc, ouais, très bon résultat, bien sûr, pour les Lillois, et c'est pas les seuls, donc à la limite, c'est une bonne chose pour eux, enfin, une bonne chose. Voilà, il y a des regrets, bien sûr, mais c'est pas les seuls à s'être pris les pieds dans le tapis, donc c'est une moindre chose, quoi. Et puis même constat pour Nice à Rennes, défaite 2-0. Voilà, vraiment même. Voilà, pareil que Lille, hein. Rennes n'avait plus rien à jouer. Contrairement à Nice, et c'est un peu pareil hein, finalement. Alors c'était peut-être un peu plus serré entre ces deux équipes-là, Rennes et Niçois. Là où Lille avait quand même plus fait le ballon et était plus dangereux offensivement, mais Nice là s'est fait surprendre face à ces Rennais, doublé de Kalimuendo à la 15e et la 80e, un début de match, fin de match. Voilà, Rennes s'est laissé porter comme ça et Nice n'a pas vraiment répondu présent. Ils ont caché vraiment trop de cartouches dans ce match-là et ils l'ont payé. Mais encore une fois, ça à moindre mal du point de vue que Strasbourg et Lille ont perdu, Lyon aussi. Donc voilà, ça aurait pu être pire, mais encore une fois, c'est quand même des points largement perdus où ils auraient pu prendre de l'avance sur les autres concurrents. Et puis enfin, les deux grands vainqueurs de cette journée, qualifiés directement pour la Ligue des Champions, donc Monaco, vainqueur de Lyon, l'un des grands perdants vraiment de cette journée, hein, puisque maintenant ils ont très très peu d'espoir d'aller chercher une Ligue des Champions et une Coupe d'Europe un petit peu, mais ça va être compliqué quand même. Voilà, Monaco, bah, pourtant Lyon qui avait plutôt bien débuté hein, ce match, voilà, on s'était plutôt équilibré, on a eu Philippe Kohn qui a été déterminant dans les premières minutes, qui a repoussé des occasions lyonnaises, puis petit à petit Monaco est bien rentré dans son match, mieux rentré dans son match, et puis bah, ça s'est plutôt joué en deuxième, dans la dernière demi-heure finalement, Minamino et puis coup sur coup Zakaria, ça a éteint complètement les Lyonnais qui n'étaient plus dedans, et voilà, c'est une fin de saison pour Lyon qui est difficile, élimination c'est cataclysmique, cruelle, ouais. Et puis ces derniers résultats là qui sont compliqués, deux défaites consécutives face à Lens et puis là face à Monaco. Voilà, bah c'est pour Lyon, tout se jouera sur la dernière journée, mais ça sera compliqué en tout cas d'aller accrocher quelque chose, malheureusement pour ces Lyonnais qui peut tout perdre dans cette dernière semaine. Et puis Marseille, vainqueur du Havre, qui se qualifie également. Dans un match bizarre, hein, voilà, avec voilà deux buts qui sont arrivés assez tardivement, et puis une interruption de match assez longue, et puis il a fallu se remettre dans le match, et il a fallu attendre surtout les dernières minutes pour valider ce succès. C'est ça, ouais. Oui, globalement un Marseille dominateur quand même sur ce match-là, effectivement, avec une première période où le 0-0 n'a pas pu être évité par les Marseillais, ni par les Havrais du coup quand même, mais. Mais Marseille n'a pas su trouver la faille lors de la première période. Ouais, début de seconde période où ça repartait un petit peu sur le même scénario. Il y avait ce but de Gouiri, bien sûr, qui permet au peuple marseillais, voilà, de pouvoir souffler un petit peu. Et puis ouais, quoi, 10 minutes après à peine, oui, ce match arrêté effectivement à la 63e pendant une demi-heure. Ouais, une grosse demi-heure, oui, parce que même le deuxième coup d'envoi, enfin la reprise a été encore repoussée, je crois, parce que il y avait encore un peu de monde sur le terrain. C'est vrai qu'en direct, on comprenait pas trop ce qui se passait. Voilà, au final, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a des supporters havrais qui sont un peu allés vers les supporters marseillais, ce qui fait qu'il y a des familles qui ont pris peur et qui sont allées sur le terrain, je crois, se réfugier. Si j'ai bien compris, et que forcément, après, la sécurité aussi s'est rendue sur le terrain, etc., etc. Globalement, c'est ça l'histoire, si j'ai bien suivi. Puis donc voilà, donc cette longue pause, on l'a dit, une trentaine de minutes. Et puis après, Le Havre va marquer, va égaliser, et va continuer de pousser, et ça commence à ressembler, alors c'est pas une catastrophe, mais un petit guet-apens du coup côté marseillais, où on se disait ils n'arrivent pas à s'en remettre dans le match après cette pause-là, contrairement au Havre. Et au final, la délivrance par Greenwood en toute fin de match à la 85e, une superbe frappe de loin, qui finit petit filet opposé. Et puis Gouiri, encore une fois, au bout du bout, l'éternel Gouiri depuis son arrivée, qui va marquer un doublé. Tranquillement et ajusté Gorgelin, ça fait 3 à 90 plus 9 forcément, donc voilà, et ça fait une belle victoire pour l'OM qui effectivement, comme Monaco, ou officialise, et ils en avaient bien besoin, hein, je pense, avec le climat actuel qu'il y avait et qu'il peut avoir à Marseille, forcément il fallait vraiment officialiser cette place en Ligue des Champions le plus tôt possible. Alors ça arrive tardivement dans cette saison, effectivement, encore une fois, là où Marseille n'avait aucune autre compétition, aucune autre Coupe d'Europe à jouer, contrairement à Monaco et aux autres concurrents, Nice, Lille, etc. Donc effectivement, cette qualification arrive tardivement, mais au moins elle est là, et il n'y aura pas besoin de stresser pour la dernière journée. Exactement, à la différence des autres, on va en parler dans cette dernière journée. Le classement, donc Paris est bien sûr leader à 80 points, Marseille 62 points, Monaco 61 points, Nice, Lille, Strasbourg 57 points, Lyon 54 points, on aurait dit ça va être compliqué. Brest et Lens à 50 et 49 points. Alors qui sont là un petit peu au cas où, hein, si on sait pas trop ce qui va se passer aussi pour Lyon, hein, qui peut peut-être être embêté financièrement. Donc rien n'est fait. Donc il reste peut-être un enjeu peut-être pour cette huitième place. Hein. C'est pour ça que la Coupe d'Europe était primordiale et surtout la Ligue des Champions qui a un avantage considérable financièrement parlant. Exactement. Donc ça peut vraiment se compliquer sérieusement pour Lyon. On rappelle aussi hein, que si Paris s'impose en finale de la Coupe de France, ça libérera la place, la septième place. Donc c'est pour ça que septième place est important pour l'instant pour Lyon, mais peut-être pour Brest ou Lens si Lyon ne peut pas. Rester ici, donc voilà, on suppose beaucoup, mais c'est pour ça que pour Brest et Lens, faut peut-être pas lâcher complètement l'affaire sur cette dernière journée. Et puis en bas, on a trois équipes qui vont se battre pour le barrage, enfin même quatre avec Saint-Etienne, donc Reims, Nantes 33 points, Le Havre 31 points, et Saint-Etienne 30 points, voilà. Saint-Etienne qui peut même se sauver encore, tout est encore possible pour eux dans cette dernière journée, et évidemment ils ne sont pas sur une position favorable, mais en effet Montpellier 16 points, voilà, qui va essayer de finir le mieux possible cette saison. Les résultats des pronostics, 5-4 le score, voilà, pas exceptionnel, mais il y a eu beaucoup de surprises évidemment, hein, c'est Nice, Lille, Strasbourg qui ont coûté cher sur cette journée. Eh bien, allons-y pour la dernière journée de cette saison, 34e et ultime journée. On va commencer. Alors on va faire un multiscore pour cette dernière journée. On va tout pronostiquer avec le score et on jouera sur 18 points et pas 9 points. Ça, allez, on en profite. C'est à la dernière journée. Alors les matchs à enjeu. On va avoir d'abord. Eh bien Lyon-Angers. Allez, on peut commencer par Lyon-Angers. C'est donc samedi 21h, je rappelle tous les matchs. Pour Lyon, victoire obligatoire pour espérer un faux pas devant. Avec donc le score. Lyon 7ème et Angers déjà maintenu 13ème. Ouais, Angers, oui, du coup, n'a plus vraiment d'enjeu en soi. Ça se ressemble. À Lyon, ça rend rarement la tâche simple non plus. Je vais dire quand même Lyon gagne, donc je vais dire 3-2. 3-2 pour Lyon. Ah ouais, tu vois des buts autant que buts, ok. Ouais, je pense, pourquoi pas. Ouais. Moi, je vais voir 3. Ah ouais, tu vois quand même des buts aussi. Oui. Ouais, après, c'est vrai qu'il bon, il marque un petit peu moins en ce moment les Lyonnais, mais ouais, je vois, comme Angers n'a plus d'enjeu, comme tu l'as dit. Ça peut peut-être favoriser du spectacle. Autre match en jeu, Nice-Brest, surtout pour Nice évidemment, 4e, Brest 8e, qui reste en porte, voilà, qui reste à proximité quand même. Moi je vais dire Nice, hein, 2-1. Nice qui s'impose 2-1 pour moi. Ouais, de toute façon, faut que Nice gagne quand même, effectivement, mais. Je vais mettre 2-0. 2-0 pour Nice. Ok. 2-0 pour Nice. Très bien. Lille-Reims, tiens, aussi là en jeu. Lille 5e, Reims 14e. Les deux ont. C'est le seul match où les deux équipes ont vraiment un enjeu. Pour Nice, évidemment, pour la Ligue des Champions. Pour Lille, pardon, et puis pour Reims, le maintien. Qui n'est pas encore tout à fait acté. Moi, je vais mettre Lille 2-0. 2-0, ouais. Je vais mettre 4-1 pour Lille. Oh, oui. Ok. Ouais, dernière journée, ça peut marquer pas mal de buts. C'est vrai. Strasbourg-Le Havre, là aussi l'enjeu pour les deux clubs. Strasbourg 6e, Le Havre 16e, pour l'instant barragiste. Beaucoup d'enjeux. Moi, je vais mettre Strasbourg aussi qui va gagner. Par contre, le score, c'est pas simple. Je tente le 3-0 pour Strasbourg. Allez, 3-0. Je suis pas très inspiré. Voilà, pour les matchs en jeu, c'est fini. Marseille-Rennes. Deuxième, peut-être la deuxième place. Match en jeu en Europe, oui. Après, il y a Saint-Etienne, par exemple, qui a de l'enjeu aussi. On l'a dit, ça. On l'a fait Saint-Etienne déjà, non? Non, on l'a pas fait. Ah non, on l'a pas fait encore. On le fait maintenant. Alors, Saint-Etienne-Toulouse. 17e. Toulouse, plus d'enjeu. Moi, je vois un nul. 2-2. Ah, j'ai mis que des victoires à domicile, je vais continuer quand même, je vais mettre 2-1 pour Saint-Etienne. Ah, ils peuvent s'arracher. Hein. Avec le Chaudron, je pense que là, forcément, qu'il y aura quand même de la ferveur, forcément, là, en plus. Encore une fois, encore plus, je veux dire. Ouais, je fais ça. Nantes-Montpellier, là aussi, il y a un enjeu pour Nantes. Hein. Ouais. 15e, pour l'instant, ils sont en bonne position, il faut gagner face à Montpellier. Moi, je vais mettre que Nantes va gagner. On va gagner 3-1. Bah, encore 3-1, hein, je mets que ça, moi. 4-2. Allez, soyons fous. Là, je vais mettre 2-0 pour Nantes. Ouais, c'est encore une victoire à domicile, ça fait. Que ça, bon, ça, ouais. Marseille-Rennes, du coup, voilà, ce match sans enjeu, même si pour Marseille, peut-être la deuxième place. Je te laisse parler le premier, allez. Alors, c'est quoi, c'est rare que je pronostique contre mon équipe de cœur, enfin, contre. Sinon, il n'y a plus trop d'enjeux, à part la deuxième place en soi, mais. Je vais mettre 2-2. Allez, ouais, pourquoi pas un nul. Hein. Moi, je vais quand même mettre Marseille pour finir proprement à domicile 1-0. Allez. C'est petit score, mais pourquoi pas. Lens Monaco. Là aussi, il n'y a pas d'enjeu. Moi, je mets 2-0 pour Monaco à l'extérieur. Là, Lens, c'est pas simple, mais. Je vais mettre 3-1 pour Lens. Ah ouais. Ok. Ouais, comme ça m'arrange. Marseille reste deuxième. Ouais. Et enfin Paris-Auxerre. Je vais mettre 5-2. Allez, du but. Pour fêter le titre à la maison. Ouais. Bah, je vais mettre 2-1 pour Paris, moi, seulement. Donc toi, t'as mis que 8 victoires à domicile et 1 nul. C'est ça, tout à fait. Ouais, bah écoute. Pourquoi pas hein. Ouais, ouais, ça peut. Hein. Bon, bah, résultat. Samedi soir. Très bien. Il reste. C'est fini, Atalanta qui s'impose du coup face à la Roma. Très belle opération au classement pour l'Atalanta qui reste bien bien accroché à la troisième place hein, désormais. En plus, avec une différence de but largement supérieure. Que voilà, la troisième place, normalement, elle est bien. Enfin, elle est actée pour l'Atalanta. Mais pour la Roma, bah, il va falloir s'arracher. Hein. Un point de la Lazio, un point de la Juve. Donc, ça va être une fin de championnat aussi. Il y a beaucoup d'enjeux en Italie. Juste pour rappeler que, alors, pour le programme des barrages, des playoffs plutôt, de Ligue 2, Ligue 1, donc ça démarre dès mercredi. Donc, Dunkerque-Guingamp, c'est le premier playoff, donc à 20h30, entre le 5e et le 4e, ou plutôt entre le 4e et le 5e. Le vainqueur de ce match rencontrera Metz samedi à 17h. Voilà, ça s'enchaîne très vite à Metz du coup. Et puis les barrages donc face au 16e de Ligue 1, ce seront les jeudi 22 et dimanche 25 mai. Donc la semaine suivante. Voilà, ça va s'enchaîner très très rapidement. Et puis, donc le barrage contre le barragiste de Ligue 1, ça c'est aller-retour. Exactement. Le match. C'est ça. Mais pas en Ligue 2 là. Ça c'est que un match sec. Ah non, sinon chez le mieux classé. Sinon tu refais un championnat de barrage. Mais je crois que c'est en Belgique, c'est ce qu'ils font. Ils ont des championnats de play-offs. Ouais, il y a des. Ouais, il y a mini championnat. Ouais. Ouais. C'est compliqué. Et puis même chose pour le national. Il va y avoir le barrage qui va arriver aussi. Alors, j'ai pas assez à trouver encore là, mais il va y avoir là aussi la même chose pour la nationale. Voilà, c'est ça. Donc le mardi 20 mai, le 3e de nationale contre le 16e de Ligue 2. Donc pour l'instant on connaît pour l'instant le 16e de Ligue 2. C'est qui le 16e de Ligue 2? Question interrogation. Non, tu l'as pas. 16e de Ligue 2, bah figurez-vous que c'est Clermont. Voilà, donc Clermont. Et puis donc le 25 mai, donc le dimanche d'après, ce sera l'inverse. Le Clermont recevra le troisième de national. Eh ben, on le connaît pas encore puisqu'il reste un match et que tout est encore possible dans cette ultime journée. On l'a dit, ce sera ou Boulogne-sur-Mer ou Le Mans. Voilà, donc ça dépendra de ce qui va se passer ce vendredi. Voilà, et puis juste pour finir avec la première ligue, la journée de ce week-end ce sera pas un multiplex, hein, il y aura des matchs vendredi pour Tottenham et Manchester United, et ensuite on aura des matchs le dimanche Et on aura un match le lundi, ce sera Liverpool à Brighton lundi soir. Et puis pour Crystal Palace et City, ce sera mardi soir, puisqu'ils vont jouer bien sûr samedi la finale de la Cup. Ce sera une journée un peu étalée sur 3-4 jours. Voilà, ce sera vraiment la dernière journée donc qui sera en multiplex le 25 mai prochain. Voilà pour être complet. On se quitte avec l'agenda 22h42. Bon, on est un petit peu en retard, mais on a l'habitude. Donc cette semaine, on l'a dit, beaucoup de matchs tout au long de la semaine en Europe, en France, les débarrages du championnat. Enfin, il y a un peu de tout. Hein, c'est un petit peu dans tous les sens, tous les jours. Il y a la finale de la Cup, on l'a dit, samedi soir, et aussi la finale de la Coupe d'Italie, c'est ça, mercredi, hein. Coupe d'Allemagne. Ouais, je crois. Non, Coupe d'Italie. Ouais, Coupe d'Italie, oui. Coupe d'Italie, entre le Milan AC, pardon, l'AC Milan et Bologne, pour se qualifier déjà pour une Coupe d'Europe. Voilà pour le foot. Le rugby, ce sera une nouvelle journée de top 14, hein, ça se poursuit pour les playoffs. Tennis et Rome cette semaine, on le disait, encore deux Français engagés en huitième. Corentin Moutet et puis Arthur Fils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ce sera demain, voilà, pour ces deux-là, face à Jack Trapper pour Moutet et face à Alexander Zverev, le numéro 2 mondial, l'Allemand, demain soir, pour finir la journée de ces huitièmes. Voilà pour le tennis. On aura du basket, donc ultime journée de championnat pour la Pro B, enfin pour la, d'ailleurs la Pro A également, pour plus d'enjeux pour les classements, mais en tout cas on aura une dernière répétition avant les playoffs. Et puis il y aura NBA aussi, hein, la suite des demi-finales de conférence, c'est cette nuit puis les nuits prochaines. Voilà pour le basket. Et pour le handball, bien même chose, dernière journée avant d'attaquer aussi les playoffs. Donc plus forcément d'enjeux, mais on attend tranquillement maintenant les playoffs. Ce sera donc ce week-end, dernière journée pour Saran qui se déplace, je vous rappelle, à Célesta, et ce sera ce vendredi soir. Voilà cette dernière journée. Et puis Grand Prix de Formule 1, ce sera ce dimanche. Rendez-vous en, je ne sais plus, ce sera rendez-vous à, ah oui, en Italie, c'est ça, ouais, cette journée du dimanche. Voilà pour le programme de la semaine. Allez, on se quitte avec une dernière, un dernier titre, et puis on se retrouvera lundi prochain. Donc lundi prochain, avec tout ce débrief de cette dernière journée, il y aura beaucoup de choses. Hein, voilà, le point complet sur les qualifiés, les coupes d'Europe. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire. On se quitte avec ce dernier titre. C'est parti. Rendez-vous lundi prochain. Hugo, merci. Bonne soirée. Bonne semaine. Ouais, bonne semaine à toutes et à tous. À toi aussi, Rémi. Ouais. À lundi. Ciao, ciao. Portez-vous bien. We'll be right back. 17 minutos, estão 15 graus, nuvens dispersas. Para esta terça-feira prevê qualquer coisa como 13 graus de máxima, 9 de mínima e possibilidade de trovoadas. Berlim, na Alemanha, onde são 22 horas e 47 minutos, estão 12 graus. Céu limpo para esta terça-feira, 21 graus de máxima, 6 de mínima. Esta é a previsão do estado do tempo.